Baby, nobody.

Voilà le topo. T'es le seul mec qui peut prendre cette tranche horaire. On a essayé tout le monde. On a demandé aux voisins, aux pompiers. On est monté jusqu'au Premier ministre. On a même demandé à ta mère. Mais personne n'a tes compétences. Non, les gars, j'ai raccroché. Je suis devenu dresseur de crabe maintenant. Eh ben, ça tombe bien, on cherche quelqu'un pour dompter la panthère. Attends, une panthère ? Aïe, aïe, aïe, oh, ah, ah, lâche-moi ! Vince, du lundi au vendredi, 21h sur Énergie. Ah ouais, ouais, bien sûr, 21h sur Énergie, mais... Nigel, ouais. C'est quoi cette vieille introduction qui passe en émission, là ? Quelle vieille introduction ? Mais c'est la vieille intro, c'est quand on a démarré l'émission au mois d'août, ça, c'est plus l'actualité, ce truc. Bah ouais. T'as pas remarqué? Bah, fallait être là à l'heure, monsieur! Bah, j'étais là à l'heure, je suis arrivé pile avant l'heure et tout. J'ai demandé à Nigel de me faire un truc, le mec il. Bon, ça va, c'est un petit truc qui a déconné sur tellement de choses que tu gères dans cette émission. Donc, ouais, non, c'est horrible. Donc, c'est va, je peux pas non plus t'en vouloir de ouf, quoi. Non, mais en plus, j'ai eu plein de messages de gens qui m'ont dit, mais Vin, c'est quoi cette intro? Je la reconnais pas, c'est quoi le délire? Je mets la vraie intro pour le coup ou pas? Non, mais je sais pas, parce que la vraie intro, je trouve qu'elle met la pression un petit peu, elle fait comprendre que. Parce que ça fait comprendre, tu vois, que l'émission, elle commence, tu vois, qu'elle ramène tout un bordel, qu'on est reparti pendant toute une semaine et tout. Donc on est d'accord, je la mets, c'est parfait. Ouais. Allez, pépé, c'est parti. Ceci est un message d'urgence publique à l'attention de tous les auditeurs d'Énergie. Le programme qui va suivre peut s'avérer dangereux pour votre santé mentale. Nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés à votre cerveau. Nous déconseillons aux enfants d'écouter cette émission. Mais vous pouvez nous écouter en cachette de vos parents. Vous êtes des centaines de milliers à le faire. Nous déconseillons aux adolescents d'écouter cette émission. Sauf s'ils veulent entendre des histoires coquines et gagner des cadeaux, car leurs parents sont radins, ou que vous avez la flemme d'aller vous trouver un job étudiant. Nous déconseillons aux parents d'écouter cette émission. Car vous pouvez griller vos enfants, parler de vous à l'antenne. Non, je ne crois pas, non. Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons au CSA de nous écouter car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi, Vince sur NRJ. Vince est dans la maison! Ça fait du bien d'être de retour. Bonsoir tout le monde. Tu vois, cette intro, elle fait comprendre c'est quoi la promesse de cette émission. Elle fait comprendre qu'aujourd'hui on va se marrer, qu'on va passer un bon moment. Et cette émission ne serait pas la même si je n'avais pas un homme qui balade ce soir. Nigel. Ouais. Ah non, mais alors déjà que j'ai compris pourquoi tu t'es gouré sur la trousse, parce que t'es malade en fait. Ouais, je suis malade un peu. Ouais. C'est la deuxième fois que tu tombes malade depuis le début de cette émission. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, surtout que d'habitude je tombe jamais malade. Donc là, c'est bizarre. Ouais. Maintenant il travaille. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. C'est tout. J'avais jamais travaillé avant. Il se retrouve dans la réalité du job et tout. C'est dur. Ouais. Et en plus de ça, t'es en examen, non? Bah ouais, bah écoute, demain j'ai un examen. Du coup, c'est pour déjà prévenir aux auditeurs que je pars à minuit pile. À minuit pile, pile, ouais, pile. T'as examen de quoi demain? Un examen de langue. Oh mon dieu! Anglais, ça va, t'es doué, espagnol, ouais, en anglais, yiddish, ouais. En anglais, English. Ah, c'est en English demain. Yes, oh, mais ça va bien se passer. To write in English. Mais ça va, it's gonna be all right. Hein, yes, mais d'accord. Just fine, ouais. Bah voilà. Et puis on a bien sûr Lara qui est là aussi ce soir. Bonsoir Lara. Bonsoir. Comment ça va Lara? Très très très très très très bien. Ça va. J'ai pas mis vos sons aujourd'hui. Il y a mon ordinateur qui est malade aussi. C'est hein, lundi. Donc, j'adore le lundi. Voilà. C'est lundi, c'est à l'arrache. Hein. Et puis cette émission aujourd'hui exceptionnelle puisque nous allons parler manga, puisque nous allons vous offrir des cadeau spécial Manga Brussels. Tolga qui est dans la maison. Ça va Tolga? Ça va et vous? Mais ça va très bien, t'as passé un bon week-end toi? Oui, super. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bah, bien qui sûr. S'est passé hors antenne. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Tolga il a reçu un message qui dit genre qu'il a oublié de terminer sa session de parking. S'il en fait il avait payé son parking avec une application. Ah merde. Et il avait oublié de payer le pendant matin. Pendant combien de temps? Le matin? Toute la journée. Ah, donc t'as payé, t'es arrivé à 25 balles quoi, voilà, en fait. Non, 15 balles, mais bon. 15 euros. Voilà, pas mal. Ouais, c'est embêtant hein, quoi. C'est vrai, quand t'envoies le texto, t'oublies d'envoyer stop. Genre, au moment où tu parles. Moi, je te jure, j'oublie tout le temps. Ça. Ouais, il y a trop de tounes. Voilà. Ton magasin est ouvert jusqu'à 22h, j'ai vu. Oui, c'est ça. Je suis passé dedans avec des trottinettes et puis je vois 21h58, encore ouvert. Ouais, c'est ça, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as pris ton truc pour un snack ou quoi? Non, c'est parce qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui n'ont pas le temps de passer. Quelle occasion de. Quel enthousiasme. C'est un gros. T'as vu qu'on lui raconte des choses. Mais c'est parce qu'en fait, il ouvre à midi, c'est pour ça, il a pas dit. De 10h, pendant 12h, t'étais ouvert. Respect. Les amis, Quiz Manga, ça va arriver dans quelques instants. Ce soir, le prank de l'extrême. Nous allons également voir le Give Mo 5, le bébé, j'ai déconné. Prank de l'extrême, c'est quoi? C'est un canular qui souvent part en sucette. Ah, ces gens, on respecte pas les limites des bords, des frontières. C'est comme ça que ça se passe dans l'émission. Dossier, aujourd'hui, Noël approche. Dans une semaine, là. Ouais, dans une semaine, là. Déjà, ouais, 8 jours. Déjà, oui. Et mais c'est incroyable, ça va vite. Ouais, dans une semaine, c'est le réveillon de Noël. Et qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour Noël? Bah, je sais pas. Moi, chacun a ses goûts. Tu sais que moi, il y a un jour, je suis parti en vacances, j'ai pris un vol de l'autre côté de la planète à Noël parce qu'il coûtait 3 fois moins cher. Sérieux? Mais il y a personne qui prend l'avion à Noël. Ah bon? On est en famille. Plein de gens, ouais. Moi, tous vérifie les vols que j'ai regardés. Viens, on vérifie en live. Bah, si, parce que vas-y. C'est justement le moment où tout le monde sort de chez soi pour aller rejoindre sa famille. Mesdames et messieurs, nous allons faire une expérience dans cette émission. Allez, c'est parti. Et dès le début de l'émission, j'ai même pas dit bonjour aux éditeurs qu'on va tenter un truc. Mia, Thibaut et Eddy. Tu te rends compte, c'est horrible. Mais c'est les auditeurs. Bonjour Thibaut, comment c'était Damso? Ah, avec ton micro, c'est peut-être mieux. Hein. Ah, franchement, c'était terrible. Ouais, t'as passé un bon moment. Ouais, juste que je voyais vraiment rien. Mais ça, il faut aller mettre des échasses, toi, quand tu vas dans les concerts. Ouais, la prochaine fois, j'y penserai. J'étais en plein milieu de la fosse, je vais avec des épaules et des têtes. Oh, c'est dur. Très dur. J'ai peut-être vu Damso une minute et après, il y a un type qui a levé sa main, c'était fini. Et c'était mort. Ah, ouais. Oh, le pauvre. Quand t'imagines quand quelqu'un lève son pied, alors là, c'est pareil, le pauvre. Ouais, la même chose. pauvre Thibaut, t'inquiète pas, la prochaine fois, on te mettra en VIP. Ouais, j'espère un jour, je serai en guest. Mais même en VIP, on va lui casser les jambes comme ça, il va en chaise roulante devant, tu vois. Ah, ça pourrait être très sympa pour toi. Ouais. Mais non, jamais de la vie. Pour être en chaise roulante, il suffit juste de lui casser le cul. Tu sais que j'ai connu un pote, il allait dans les concerts en chaise roulante, merci Nadieu. J'ai connu un pote pour avoir des super accès dans les festivals, il allait en chaise roulante. Mais je me dis, mais le jour où tu te fais griller, tu te rends pas compte que toi, tu vas être haï par tout le monde, toi. Mais t'as le droit de t'être blessé, hein. Non, le mec, il trichait, il prenait la chaise de son père et il allait là-bas. Ouais, non, mais t'imagines. Mais tu t'as pas donné genre des infos, genre une carte d'handicap? Non, pas dans certains concerts et certains festivals. Tu te pointes et c'est bon, t'as accès tout de suite. Ouais, mais bon, t'es en chaise roulante, quoi. T'es en chaise roulante, bien sûr. Tu peux tellement t'enjailler. Imagine au milieu, ça. T'as envie de te lever. Ce qui serait super con, c'est qu'il y a un jeu avec genre, allez, tout le monde saute, tout le monde. Et t'as le mec sur la chaise roulante, il se lève, il saute. Comme au Téléthon, tu te souviens de ce truc? Ah ouais, c'est horrible. Où les enfants, ils ont dit, tout le monde debout. Ils étaient tous en chaise roulante. Et les amis, on a Eddy également qui est là. Salut Eddy. Yo, ben salut Vin, salut tout le monde. Ça va, tu vas bien? On est lundi, donc lundi, c'est le lundi au soleil, sauf qu'il fait super froid encore. Mais... Voilà, il a fait beau aujourd'hui, il y a du soleil, mais il faisait froid. Ouais, il fait meilleur, quoi. Moi, j'aime pas trop ces températures. De toute façon, en dessous de 15, c'est pas bon pour moi. Non, c'est horrible, je sais. Ouais, effectivement. On a la peau qui devient grisonnante. Ouais, ma peau est plus que grisonnante, ma peau est presque noire. il bronze par le gel. Bon, alors, Nigel, est-ce qu'on peut vérifier les vols? C'est ce que je viens de faire. C'est quoi, on va faire ça dans quelques instants, on va vérifier. Moi, je vous jure, les vols, ça coûte moins cher quand tu décolles le 24 au soir, parce que c'est le réveillon de Noël. Le soir de Noël, ouais. Précisément. Ça... Exactement, le soir de Noël, enfin le soir du réveillon de Noël. Ouais. En attendant, il y a tellement de messages qui arrivent là. Il y a Peno qui est là, il y a Isan aussi, il y a Arthur, il y a Damien, il y a Dom, il y a Alison. Bonsoir l'équipe. Dieu, ça fait longtemps que je vous avais plus envoyé de message. Vous êtes les meilleurs. Vous me motivez grave. Alors que je pars pour ma nuit là. Bah, bon courage Alison pour ton taf. Il y a Younes qui est connecté, il y a Calogero aussi qui nous dit demain c'est mon anniversaire. Pas Colin Giraud le chanteur, hein, bien sûr. Il y a Mathias là, qui m'a fait un chouette dessin que j'ai mis sur mon Instagram. Et Vince, je suis déjà en vacances. Eh bah tant mieux, Mathias, profites-en, c'est bon ça. Germain aussi est là. Germain. Sors de la maison. C'est bon ça, ils écoutent en crew et tout là. Arnaud qui est là aussi, il y a Perrine. Coucou Perrine. Alors, Perrine est dans la maison. Perrine sur Énergie. Yeah, Perrine. Même elle s'est périnée, j'ai pas entendu. Perrine est dans la maison. Dans la maison. Merci Kylian, merci à Ralph également. Il y a Mélissa qui est là. Tout le monde est malade, c'est normal. Il faut se soigner les amis. Émilie aussi, Mickaël, David. Et franchement il y a du monde ce soir. Il y a Davy qui est là aussi. Vince dans la maison. Merci mon pote, c'est gentil pour ton message. Il y a Quentin qui est là. Alors ça dit quoi Quentin? Quentin est dans la maison. Oh là là là là. Sur Énergie. Et bah franchement ça fait plaisir. Même Benoît qui m'envoie un message là. Benoît il dit quoi Benoît? Qu'est-ce qui se passe? Moi vas-y. Vince, je vais au restaurant pour au réveillon de Noël. Donc voilà, Si jamais tu pourrais passer tantôt à la radio, ben tu me le dis et tu me ressonnes. Allez, à tout à l'heure. Benoît est dans la maison. Sur énergie. Merci Benoît. Bah, Benoît, je vais poser la question. Qu'est-ce que vous allez faire pour Noël? Il m'a répondu, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu, les amis? On en parle tout de suite. Voici. Mais Noël, c'est grave pas maintenant. Ben, il a dit, j'irai au restaurant. Il a pas dit, je vais au restaurant là maintenant. Non, il dit qu'il veut passer. Ouais. Qu'il veut passer en émission. Ouais, non, il veut venir ici. Mais non, il a dit, il veut passer par téléphone, je crois, pour en parler. Ah, je sais pas. Ah, les gars, moi je pense radio, vous pensez gigolo. Klingande, on arrive. South to the west and wonders, burning all desires, tell me should we go somewhere high together now till the eastern colors, love is undercover. I we ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires, tell me should we go. We're high together now till the east of colors, lovers in the cover. Stuck in this bad place, just looking out the window. L'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais. Pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. Dix fois, onze fois, douze fois, treize fois, quatorze fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Et j'espère que ça va bien, les amis. Vince, c'est malade! Merci, bienvenue à vous tous, là, 21h12 en direct avec vous. Merci d'être là, de plus en plus nombreux. Merci pour tous les messages que vous envoyez ce week-end. Hein. Mais c'est hallucinant parce que, en fait, on a le numéro WhatsApp, il faut le préciser. Et en fait, à chaque fois le week-end, comme ça, j'ai tellement de messages qui arrivent là. 0492 222 002, les amis, c'est le WhatsApp. Si jamais vous désirez, pourquoi pas, rentrer en contact avec nous, tranquillou, taper la causette, vous poser, nous dire comment s'est passée votre journée et surtout nous dire ce que vous allez faire à Noël, puisque Noël c'est pour bientôt là, et donc du coup on va faire un petit tour de table aussi et on parle avec vous les auditeurs là. Alors d'ailleurs nous avons qui dans le standard là qui est disponible? On a Lucien et Fabio. Salut Lucien. Salut. Yo, ça va Lucien? Dans la maison. Ça va Lucien? Ouais, ça va. Ça, t'as passé une bonne journée Lucien? Ouais. C'est le frère de Tolga ça. Pourquoi? Il est déprimé quand il vient. Oh salut. Louvre jusqu'à 22 ans. Ah ben Lucien, il est chill, il est posé sous son jack dans son mendo. Dis-moi Lucien, tu viens de quelle ville? Sous son jack. Moi je viens de Fresnes-en-Vin, près de Tournai. Fresnes-en-Vin, effectivement. Hein, c'est pas loin de Hatte. Il faut continuer un petit peu comme ça, puis tu te tournes à un moment donné, t'as une sortie d'autoroute. Comme pour les routes, toutes les villes. Cœur, voilà. Comme pour toutes les villes. C'est ça que le mec il a fait toute la Belgique quoi. Ah non, mais c'est là il y a des trous. Ah, Charleroi? Oui, tout à fait. Non, c'est une blague. Tu sais, quand. Attends, E19 direction Mons à partir de Bruxelles, t'as plein de trous sur la route. Ouais. À chaque fois, il les rebouche et puis t'as de nouveau plein de trous. Si jamais il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi. Ouais, comment ça se forme en fait des trous sur la route? Bah, c'est le temps, le passage, et beaucoup de passages de voitures. Voilà, alors du coup, il faut refaire, il faut colmater. Okay. Et à un moment donné, t'as plein de rustines partout, quoi. C'est ça qui est dingue. Alors, on va faire le petit sujet là de Noël, Noël qui approche. Toi, t'as prévu de faire quoi pour la Noël alors, Lucien? Moi je vais aller chez mon tonton et voilà. Mais c'est bien. Je vais rien faire d'autre. Nigel est en train de mourir de tous là. Tu vas nous transmettre tes merdes. On a les vacances qui commencent vendredi. Oui. Et toi, tu vas nous rendre malade pendant tes vacances, là, nos vacances. Moi, je suis pas en vacances, moi, laissez-moi tranquille. Va mettre un masque. Ouais, ah oui, de ouf, masque off. Fucking masque off. Et donc, attends, mais. Tu vois ? Non, mais non, non, non, non, vous avez pas tous commencé à tousser, là, dans cette émission. Ah, quel dégueulasse ! Oh, c'est pas possible, ça. Malade, c'est immonde. Ah, mais Lucien, chez ton tonton, c'est quoi ? Ça te fait chier d'y aller, en fait, ou. Non, non. D'accord, non mais tu peux le dire, hein. Moi ça me faisait chier d'aller chez la famille le jour de Noël, hein. Moi je préfère, non, je préfère être un Counter-Strike moi à l'époque. Oh là là, carrément. Mais non, tu vois tes cousins, tu t'amuses, je sais pas, tu manges ouais. bien, c'est trop gay. Bon, en attendant, Lucien il va participer au quiz manga qui va avoir lieu dans quelques instants sur Énergie. Et il va affronter quelqu'un qui s'appelle, parce que j'essaie de l'avoir il en ligne. Il s'appelle Fabio, ouais. Il s'appelle Fabio, moi j'ai Fabi qui s'appelle. Fabio dans la maison. Et oh Fabio dans la maison. Sur Énergie. Ça va Fabio? Ça va, et vous? Mais ça va, mon pote, tu t'y connais bien en manga, toi? Ouais, assez. Ah, formidable. T'as prévu quoi pour Noël, toi? Oh, rien de spécial, la famille, hein, vous savez. Ah, voilà, ça me fait chier, toujours le bordel de merde. Je suis encore purgé voilà. avec eux. Oh, là, là. Un nouvel an entre amis, hein. Ah oui, c'est toujours comme ça. C'est drôle, un nouvel an, c'est pour se déglinguer, et à Noël, c'est pour se poser. C'est... Ouais, ou se disputer. Jamais compris le concept. Ouais, mais spécial, hein. Quand toutes les familles se réunissent, en général, c'est soit ça se passe super bien, soit. Ça part en bas. Laisse tomber, à un moment donné. On a une auditrice qui est passée à l'antenne pour dire que c'est parti en jet de chaise et bagarre générale une fois, là. Ah ouais, c'était parfois, dingue, ça. T'as les sujets sensibles qui sortent au milieu. N'abordez pas de politique en famille, les amis. N'abordez jamais de politique en famille, vaut mieux pas. Charlie. Vince dans la maison. Merci, Charlie. Marco, il dit quoi ? Bonsoir, l'équipe. Bonsoir Marco, bonsoir. Vince, on essaie de t'appeler, j'adore vous écouter. Comment va l'équipe bien. Ah bah, on va tous tranquillement bien, ouais. Vince, moi rien de prévu pour Noël, seul avec mes enfants, c'est déjà pas mal. Bah, seul avec tes enfants, du coup, tu n'es pas seul. Ah ouais. Oui, c'est vrai. J'ai Fabio, j'ai Jolan qui me demande est-ce que Fabio ne fait pas du volleyball ? Non, du tout. Ah, il t'a confondu avec quelqu'un alors, c'est un auditeur qui m'a écrit ce message. Quelle anecdote incroyable. Bah, le mec, je crois qu'il pensait le reconnaître quoi, je sais pas. Bonsoir. Est-ce que t'aimes les boulettes sauce tomate? Non, pardon, j'ai écrit pour une autre personne. Les amis, on lance tout de suite le quiz manga. Sponsorisé par Manga Brussels, qui nous offre des figurines manga collector là ce soir dans cette émission et tellement, tellement de fois, c'est ça qui est incroyable. Tolga, les questions alors, elles sont plus difficiles qu'avant ou pas là? J'ai oublié de lui dire de faire plus difficile. Il a oublié de dire ça à son gars qui bosse pour lui là-bas. Ouais, c'est ça. Incroyable. On est tellement chargé en ce moment. Oh, arrête, bah, décharge-toi, pète un coup, ça fait du bien. Lisa Van Larson avec Good My Life. Il a levé la fesse. C'est immonde. Un pedo room. I knew what I had when I left. I miss you. You said fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone and I'm starting to freeze. Baby, come bring me hell, let it rain over me. Baby, come back to me. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life, yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let it make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let it make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Allez, bienvenue sur Énergie, les amis. Vince is in the house. Arrête de tousser, toi. Tu vois, dès que tu rigoles, tu tousses. Arrête de me faire rire aussi. Ah. Ouais. Oh non, c'est incroyable, ça. Tout le monde est malade autour de cette table. Mais c'est lui. Moi, mais non, pas mais malade. C'est vous. Pourquoi vous êtes marrant? Si vous n'étiez pas marrant, j'aurais pas rigolé, j'aurais pas toussé. Parce que genre, regarde, tu fais une vanne. Non, c'est horrible. Non, c'est pas possible, je vais couper son micro, c'est trop dégueulasse. Je faisais grave exprès, mais après c'était réel. Ouais, mais en fait tu fais exprès, mais après tu t'arraches tellement ta gorge en faisant exprès que tu te fais mal. Ouais, c'est ça, mais là. Bon, les amis, c'est parti pour... Ouais. Manga ce soir sur Énergie. C'est la musique de Koh-Lanta ou... Non, ça ressemble, mais c'est pas du tout... C'est un truc japonais, ça. Ça, c'est la musique Manga Brussels. Voilà, exactement. Ça appartient à Manga Brussels. C'est pas vrai. Ah si, ils ont fait... Quoi? Protéger. Ah si, attention. Ah ouais. Surtout le petit jingle au-dessus, là. Ah ouais, j'entends ça. L'après-midi. Et ton gars, il est fier, hein. Il a levé son doigt pour dire, eh, ça, moi. Le mec, tu sais, quand il est dans les embouteillages, il y a une voiture qui avance pas. Allez, c'est parti. Ça suffit là, d'être marrant comme ça. On va récupérer nos candidats ce soir. Ils sont déjà là. Vous pouvez jouer avec nous bien sûr sur le WhatsApp les amis. Fabio, est-ce que tu m'entends? Ouais, super, je suis là. Formidable, Fabio est dans la maison. Ah. Et wow. Et Lucien aussi est là. Lucien, on va commencer avec toi, t'es le plus jeune. Okay. Vous répondez à tour de rôle. Première personne qui trouve toutes les bonnes réponses, un maximum de bonnes réponses, gagne. Attention. Courage. Pleure, ça fait du bien. Wallahi. Billahi. Ta gueule. Lucien, Nigel. On y va. Ouais. Qui est la femme de... Les gars. Qui est la femme de Naruto? Bulma, Hinata ou Sakura? Sakura. C'est malheureusement une mauvaise réponse. Oui. Alors, Nigel, tu vas faire les bruits. Hein. Tu vas-y. Ou tu vas faire... Non, tu tousses. Voilà. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'était Hinata. La bonne réponse. Eh ben, ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on fait une émission comme si c'était vendredi, genre what the fuck, directement. Mais on est content, c'est tout. On est content d'être là. Les snooze. Merci à Natsu qui est connecté aussi là. Vous pouvez jouer avec nous sur le WhatsApp 0492 222 002. Vous avez jamais envoyé de message à la radio? Essayez, on lit vraiment en direct. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais je rigole parce que quand j'ai croisé des auditeurs là ce week-end, ils m'ont dit ouais, mais genre, on écoute ton émission, mais genre, quand on envoie des messages, c'est vrai, tu les lis vraiment. Évidemment. On ne croit pas. C'est vrai, mais si, vous pensez quoi que j'invente? Non, mais j'écris pas les messages comme d'autres radios. Donc, du coup. Non. Et surtout, on n'a pas le temps. C'est ça, on a vraiment pas le temps. Et surtout, on n'a pas envie. Donc, c'est chiant, c'est trop la flemme. Oh, je m'appelle Julien. Ouais. Putain, c'est chiant, quoi. Voilà. Bon, alors, du coup, il suffit d'envoyer 0492 222 002. Alice qui me divine si on a raté 21h21, c'est vrai. On aime bien les chiffres un peu comme ça. Bon. Attention, c'est parti pour Fabio. Quelle est la technique Sasuke? Les gars. Sasuke? Quelle est la technique de Sasuke? Mais c'est pas grave, ils ont oublié une main. Quelle est la technique de Sasuke? Le Rasengan, le Sharingan ou le Kamehameha? Le Sharingan. C'est une bonne réponse. Bravo. C'est une bonne réponse. Bravo. C'est une question qui a été posée il y a pas très longtemps dans cette émission. Hein. Ouais, il fallait être attentif. Ouais. Dédicace à personne, fallait être là. Là, exactement. Qu'est-ce qui se passe, Thibaut? Non, dans l'émission, on avait demandé la technique spéciale de Naruto, pas de Sasuke. Il y a quelqu'un qui a son casque trop à fond. C'est le tien. Ah, ça peut être que toi, je te dirais. Pour une fois, je suis pas à mort. Le seul sourd de l'émission, c'est toi. Je jure que pour une fois, je suis pas à fond. C'est qui? Je sais pas. C'est toi? Bon. C'est pas grave, on s'en fout, on continue. Attention, Lucien, quel est le manga le plus vendu au monde? Tu as le choix entre One Piece, DBZ ou Naruto. Mais on a déjà fait ces questions, tu te fous de nous? Eh, hey, ton le gars! Bah non, c'est pas vrai, on l'a jamais. On est ouvert jusqu'à 22h là. Non, parce qu'on check les anciennes questions. Non, cette question, je crois pas qu'elle soit venue. Non, mais moi, je sais maintenant. Non, mais c'est parce que t'as suivi mes vidéos que je faisais pour Manga Brussels. Ah, si, ouais. Alors, donc Lucien, quel est le manga le plus vendu au monde? Il a le temps de taper sur Google là. C'est ça. One Piece, DBZ ou Naruto? One Piece. Mais voilà! Bonne réponse! Mais moi, je le sais! C'est un signe! Bonne réponse. Attention, Lucien, c'est une bonne réponse. Qui est la femme de Son Goku, je vous bute. Attention. Qui est la femme de son... Non, je... Qui est l'adversaire de Yugi? Vegeta, Kaiba ou Freezer? Kaiba. C'est une bonne réponse. Mais ça, on a grave fait la semaine dernière. Ça, on a fait. Ça, par contre, c'est déjà venu. Hein. Ça, je me rappelle. Regarde, il est en train de suer, ton gars. Ouais. Non, on l'a jamais fait. Ah, si, celle-là, elle est déjà passée la semaine dernière. Mais c'est pas grave, ton gars. Normal, lui, on revient à Lucien. Attention, pour l'instant, c'est 1 à 2. Lucien, l'auteur de One Punch Man a créé un second manga. Comment s'appelle-t-il? Tu as le choix entre Hunter Hunter, Black Clover ou Mob Psycho Hayaku. Tu peux répéter le premier, s'il te plaît? Hunter Hunter ou alors Hunter x Hunter. Mais les Japonais disent Hunter Hunter. Voilà, donc tu as Hunter Hunter, Black Clover ou alors Mob Psycho 100 ou Mob Psycho Hayaku. Le dernier. Le dernier. Le dernier samouraï. Hayaku. Tom Cruise. Mob Psycho Hayaku, Mob Psycho 100. Moi, je crois que c'est Hunter Hunter. C'est une bonne réponse. Ouais. C'est quoi? C'est le dernier? C'est ouais, Mob Psycho Sayaku. Ouais, Mob Psycho Sayaku, non, Mob Psycho. Mob Psycho Hayaku. Ouais, Mob Psycho Hayaku. Ouais, je sais plus, je sens comment on dit en japonais Hayaku, je crois. Moi, enfin, je m'en bats Hayaku. Moi, je m'en bats des couilles. Hayaku. Attention. On y retourne pour Fab. Fab, comment s'appelle le meilleur ami de Gon? Gohan, Killua ou Zoro? Ou alors Shou? Qui doit être une bonne réponse. Ah bon. Je connais pas, je vous avoue, je connais pas. Ça aurait pu être chaud, hein. Ouais, je... Show must go on. Excellent. Allez, dans ta gueule. Bon. Lucien, quel est le manga français parmi ceux-ci? Prison School, Dreamland ou Détective Conan? Quoi? Le dernier, Détective Conan, est malheureusement une mauvaise réponse. C'était Dreamland, que je ne connais pas. Ah ouais, c'est le magasin de jouets. Le magasin de Colorado, ouais, voilà. Mais attention. C'est pas l'attaque des titans? Non, du tout. Ah, je croyais que c'était français. Non, ça aurait japonais. Quel est le vrai nom de Goku pour notre ami Fab? Fabio? Pipili? Chantal. Pipili? Kakaroto? Ou alors Kipili? Kakaroto? Kakaroto, Kipili, Pipili, c'est une blague. Sous Pili. C'est une bonne réponse. Qui? Kakaroto. Kakaroto. C'est une blague. Il s'appelle vraiment Kakaroto. C'est 4 à 2 et c'est, attention, c'est encore possible si jamais notre ami Lucien répond bien maintenant. Attention Lucien. Boo transforme ses ennemis en statue, poupée ou chocolat? En chocolat. En chocolat, c'est une bonne réponse. Bravo. Attention, ça peut remonter. Incroyable. Fab, si tu te trompes et qu'après il réussit, de son côté Lucien, c'est égalité. Fab. Fab. Ouais, je t'écoute. Lequel de ces rappeurs français a créé un manga? Maître Gims, Black M ou Orelsan? Maître Gims. C'est une bonne réponse et c'est la victoire de Fab. Maître Gims a créé son propre manga. Mais où il est où son avec manga son frère. On le voit où? Il est disponible à la vente, je crois. Ouais. À la vente. Avec son petit frère Darcy. Voilà. Je crois que c'est Relique. Je vais voir, attends, manga. Brussels. Mais non, mais le manga de Maître Gims, c'est Devil's Relic, un truc comme ça. Ouais, Devil's Relic. Ouais, ouais. Devil's Relic, la relique du diable, un truc comme ça. Et franchement, pas mal, hein. Ah ouais? Ouais, j'ai regardé 2-3 trucs sur le net, des petits scans là vite fait, c'est très sympa. Cool. Et oui, Maître Gims a fait un manga. Eh ben, bravo Fab, on va prendre tes coordonnées tout de suite, tu vas repartir avec une figurine collector de chez Manga Brussels. Bravo à toi, mon pote. Super, merci pour toute l'équipe. Avec plaisir. On est Al. Et pour Lucien, ça va? Pas trop déçu, Lucien? Non, ça va. T'es sûr? Je sais pas, je te sens un peu en PLS, Julien. Lucien, pardon. Julien, allô, Lucien? Paf, Lucien. Ouais. Ça va, t'es pas trop triste? Et un peu, mais ça va. Ah, il pleure? Oh là là, on va lui offrir encore une fille. Oh, mais il est bon, mais regardez-moi ça! Allez! Grosse dédicace, ton gars le généreux. Il est généreux avec les clients, mais pas avec ses travailleurs. L'esclavagiste moderne, ton gars. Le despote bienveillant. Eh, hey, bravo à toi en tout cas, Lucien, voilà, t'as le patron de Manga Brussels, super cool avec toi, il t'offre un cadeau aussi. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée les potes, raccrochez pas, on vous prend en antenne, hein, ça va? Ok. Enfin, on vous prend. Super, merci. Hein. Ouais. Ça va pas, bisous les gars. Allez, au revoir. Bisous, bougez pas là. Give me five, bébé, j'ai déconné, une prank de l'extrême ce soir, on va parler de l'orientation sexuelle, les amis. Comment faire pour que notre entourage puisse l'accepter? Non, mais c'est pas évident, tu sais. J'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disent, voilà, j'ai découvert que j'étais lesbienne et tout ça au fur et à mesure, une demoiselle de 22 ans, mais elle a peur d'en parler à ses parents. Voilà. Parce on en parle tout à l'heure. Ouais, on en parlera tout à l'heure effectivement avec vous. Super, vous êtes trop chaud today. Ouais, grave Natsu, je sais pas ce qui nous arrive ce soir, on est bouillant. Hein. Coucou Adam qui est connecté aussi. Vince, vous passez pas ma note vocale, laquelle? Celle-là? Oh mon Dieu. Et ah on, là, coucou, et on fait un coucou à Saori qui est là aussi. Salut Vince Montel. Et Cassé, je peux pas vous écouter, mais j'ai hâte de vous réentendre. Et cette personne qui sait pas nous écouter nous envoie ce petit message. C'est fou ça. Je vais lui répondre quand même. Ouais, mais par écrit alors. Bah, bien sûr, par écrit, ouais. C'est con. Coucou Vince, c'est la première fois que j'envoie un message à la radio. Et bah voilà. Ouais, merci. Je vous adore, continuez comme ça, vous êtes super, merci. Vince, je t'ai découvert à mon boulot, Basic Fit. Et depuis, je t'écoute toute la soirée. Je rigole seul dans la salle à cause de vous. Les gens me prennent pour un con. Ah, c'est génial ça. Eh, si vous êtes dans un Basic Fit et qu'il y a un coach qui rigole tout seul. C'est lui. Et bah voilà, et bah c'est lui, c'est tout. Mais déjà, depuis quand payez tu te fais coacher? Payez pas votre abonnement, non, je rigole. Comment? Non, déjà, depuis quand tu te fais coacher avec un mec qui a des écouteurs ou un truc à côté de lui, tu vois? Bah, ça fait stylé, tu vois. Ça fait style. Ouais, c'est qu'il écoute bien. Tu vois, ça fait genre, ouais, je suis en train d'écouter des programmes de sport et tout. C'est. Tu ah, peux le faire. Ça fait genre le pro. Alors, bisous à ceux qui nous écoutent à Basic Fit le soir, là. Et bah, vous savez quoi? Quoi? Basic Fit, s'il y en a un ou deux qui nous écoutent dans toute la Belgique, je voudrais que vous appeliez tous vos Basic Fit et que vous mettiez énergie. Ça me ferait plaisir. Ah. On l'a fait avec les camionneurs, les chauffeurs, avec les chauffeurs taxi Uber, et maintenant tous les Basic Fit vont le faire. Ouais, c'est voilà. Vrai. Et après, on va passer aux autres. Aux Basic Fit. On va passer à Gyms aussi. Même les Gyms, les salles de sport vont ouais. Le faire. Comme ça, on se fait plaisir. Bon, allez, les amis, on arrive tout de suite sur Energy. Ça va là? Ouais, super bien. T'as l'air d'être en PLS là. Non, je suis bien. Non, mais t'es bizarre, hein? Non, je te dis après. Non, mais là, faut m'expliquer, qu'est-ce qu'il y a? Non! Quoi? Mais 10 30. Mais... Tu veux gratter un abonnement à Basic Fit pour perdre un peu? Ah, c'est pas ça? Ah, après les fêtes! Ouais. Oh, bâtard! Tu te fous de moi! Dès votre réveil, c'est Marco, Jérém et Frisco dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez chaque jour jusqu'à 500 euros cash en écoutant Énergie à 8h05. Jusqu'à 500 euros cash en jeu tous les jours sur Énergie à 8h05. Pour jouer, c'est simple. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Duel par SMS au 78 et rendez-vous sur Énergie à 8h05. 1 euro par SMS envoyé et reçu. Faire quoi ce soir? On va tout casser! Hey, on va tout casser! Hey, on va bon. Tout casser! Hey. Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Bad body, bad man! Il fait rigoler ce mec qui crie tout le temps! Entends la cerveza! Allez, Bad Bunny, Drake, avec Mia tout de suite sur Énergie, on arrive. Que tú eres mía, mía, está mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan viral. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high. El yerno favorito de tu mic. El casco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera pa' recortar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Ya, ya. Todos te quieren probar. Ajá. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Comme sur Énergie et bienvenue au nouveau. Là, il y a pas mal de nouveaux ce soir, ça fait plaisir. Si jamais vous voulez être nouveau dans cette émission, faire partie de notre équipe, faire partie de cette team WhatsApp, je vous donne le numéro dans quelques secondes. Tiens. S'il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider, Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi, Vince sur Énergie. Ah, Vince, c'est dans la maison. C'est bienvenue sur Énergie, la dédicace à Quentin Portiello, pardon. Je sais qu'il écoute tous les jours. Big up à Quentin, tiens, si t'as l'écoute, c'est d'un numéro. C'est d'un numéro qui termine par le 5508 là. Salut Vin, j'aimerais bien faire de la radio. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait comme étude. PS, désolé pour les fautes d'orthographe. Oh mais t'excuses pas les fautes d'orthographe. Tu sais, dans 50 ans, le français aura évolué. Non, je crois pas, non. Mais si, le français évolue tout le temps. Ouais, il y a tout le temps des règles qui changent. C'est ça. Ah ouais, grave, t'imagines. On reconnaît les gens. Tu sais, bientôt, Lara, tu vas écrire LR. Comme ça, on aura compris que c'était Lara, tu vois. Comme métier, quand je serai plus grand, je voudrais faire donc de la radio. Qu'est-ce qu'on a fait comme études? Ben, je fais les mêmes études que Nigel est en train de faire actuellement. Ouais, hein, voilà, bon, sauf qu'on a 10 ans de différence. Hein, ouais, c'est vrai. Plus ou moins. Donc, l'IEX en communication sociale, journaliste, c'est sympa, ça t'apprend plein de trucs. Ouais. Voilà, bon, j'ai pas envie de faire la promo que l'IEX, le journalisme à l'université, c'est très sympa. L'ISFS aussi, c'est des bonnes écoles sur Bruxelles. Maintenant, la vraie école, c'est ça, c'est le culot. Ouais. Ouais. C'est pas ton pet de bas, hein, le culot, ou c'est plus. Merci. Extra. C'est comment dire, c'est plus oser toquer à des portes. Oui. Voilà, tout simplement avoir envie de faire. Et je crois qu'avoir envie de faire, c'est beau. C'est ça qui est. Pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Ouais, on est bien d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise école. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a juste des rencontres. Voilà. Exactement. Mais ça, c'est vrai en plus. Hein. Tout à fait. Parce que c'est pas grâce à l'école que je dois ça, c'est grâce à des rencontres, de nouveau. Ouais, voilà. Bien sûr. Voilà. Mais j'ai appris pas mal de choses à l'école aussi, c'est sûr. Mais voilà, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme pour faire ce que vous avez envie de faire. Mais le diplôme est un plus, bien entendu. Ethan est dans la maison sur Énergie. Enfin, bien sûr, s'il faut un diplôme pour être médecin. Hein. Je tiens à rassurer quand même et à rappeler les trucs. Hein. Si tu veux être dentiste, tu peux le faire à ton chien en premier d'abord et puis tu dis que t'es dentiste végétarien. T'imagines, végétarien. Ouais. Ah là là, Vince, l'application est sur le tel, t'inquiète même pas. Ah, c'est bon ça, Geoffrey, merci. Fabio aussi est connecté. Et quelqu'un qui m'a dit, franchement, c'est la première fois que je vous écoute et je vous surkiffe déjà. Vous êtes super marrante, Jessie. Jessie qui nous écoute pour la première fois, ouais, mesdames et messieurs. Ouais, wow, wow, wow. Big up, Jessie. Bon, Jessie, je dois faire les présentations. Dans cette émission, il y a moi l'animateur, il y a Lara également. Non, c'est Lara, toi-même, tu sais. Il y a Nigel, c'est le thug. Ouais. Alors si jamais il t'insulte, c'est normal, c'est, l'homme est bizarre. L'homme est, voilà, l'homme est sombre. L'homme est une dégénérescence mentale, un truc dans le genre. Je sais non, pas. Mais non, déjà, d'où elle envoie un message que maintenant? Bah, elle, parce qu'elle vient de commencer à nous écouter. Bah non, elle aurait dû commencer dès le 27 août, donc ces messages, elle peut se les garder. Ça bah, Jesse, je t'avais dit de pas faire gaffe. Puis de l'autre côté, du côté du standard, il y a Thibaut. Voilà, si jamais il t'appelle et que t'entends une petite voix, salut, ça va, c'est Thibaut, n'est-ce pas Thibaut? Tout à fait. Voilà, très bien. Et Eddy, alors si jamais il y en a un qui te drague et qui like toutes tes posts sur Insta, c'est Eddy après, voilà. Hein, comme ça tu sais. Dis pas trop ça, j'ai une vraie allure. C'est vrai, les meufs? Ah merde, ah, parce que tu sais, je suis tombé sur le profil d'une auditrice et quand j'ai été voir ses photos, je voyais que tu likais toutes ses photos. Et quel était son nom que je les retire? C'est la fille d'Elisa. Que je me retire, tu sais. Oh, Gamos. C'est Gamos. Voilà, exactement. C'est qui ça? Mais c'est une auditrice qui en même temps la fille de la femme de ménage d'Énergie. Oh, mais je vois que très voilà. Bien qui c'est. Et voilà. Elle est belle. Qui a des hanches voluptueuses. Ah oui, bah oui. On est bien d'accord. Je rêve où il y a le mec d'Énergie qui est passé en skateboard. Nostalgie. Non, il est passé en trottinette. Il est passé en trottinette. Non, trottinette. Non, mais je l'ai vu passer comme un vampire. Comme ouais, ça, c'est trop bizarre. Déambulateur. Voilà, bon, bref, on passe du Coca Light. on a Alizé qui est avec nous là. Coucou Alizé. Salut Alizé, dans la maison. Energy. Enfin, une personne qui le fait bien. Ah, c'est la première fois que je t'ai parlé à un Nigel. Ta gueule. Mais, Alizé, rappelle-moi ton métier encore. Ah, moi, j'étudie, hein. Quoi? Je suis pas encore bio-ingénieur. Voilà, en bio-ingénierie. Ah oui, waouh, attention, on ne s'en donne pas. On a toutes les catégories sociales qui nous écoutent, mesdames et messieurs. Hein. Mais c'est quoi la bio-ingénierie? La bio-ingénierie, bah, je sais pas. C'est quoi? Mais ça fait bien dire. Explique-nous ton métier. Bio-ingénieur. En fait, elle fait de la drogue. Ah, c'est vrai, elle crée de la meth. Vas-y. Je pense que c'est possible, en fait. Tu fais quoi, chouchou? Ben, je sais pas expliquer bio-ingénieur, c'était quoi, mais on peut travailler dans des labos, être chimiste. Ah ouais, chimiste en fait. Métier en pénurie d'ailleurs, hein. Ils cherchent beaucoup de personnes pour travailler en laboratoire. T'es chercheuse en fait? Ouais. Non. Ok, d'accord. Non, bah t'es trouveuse alors, je sais pas moi. En fait, c'est une euse. Voilà. Qui termine en euse, michetonneuse, serveuse. Bon, Alizé, elle veut nous raconter ce qu'elle va faire pour Noël là, dans quelques instants. Tu restes avec nous, Alizé. Mais d'abord, j'ai Josué qui est là. Salut Josué. Salut. Josué dans la maison. On le dit. C'est chouette. Ah, attention, parce que Josué, lui, c'est... Il a des pecs. Ah bon? Josué, il a des beaux muscles. Ouais. Josué a... Josué. Un triceps. Ouais. Et dans Josué, il y a sué, comme le sport. Ouais, c'est fait. Josué, tu travailles à Basic Fit, c'est bien ça? Ouais. Tu travailles auquel? Wesenbeek Open. Tu sais le faire avec l'accent Wesenbeek Open. Bien sûr, le cas. Et Josué, en fait, tu nous écoutes pour la première fois ou alors t'es toujours branché sur Énergie? Non, c'est découvert il y a une semaine, mais là. Oh putain, énorme! Il a décroché. Ah! Il est accro! Ouais. Il est accro! On est sa drogue, drogue. On est sa drogue, drogue. On est sa drogue, drogue. On est sa drogue. Oh my God. Josué, par contre, on t'a lancé un défi. Est-ce que t'es prêt pour relever le défi, mon pote? Ouais, quand tu veux. Alors, le défi, Josué, c'est qu'en tant que travailleur chez Basic Fit, tu es coach là-bas, c'est ça, ou tu es à l'accueil? Ou les deux? À l'accueil. D'accord. Est-ce que tu serais prêt? Déjà, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent dans un Basic Fit ailleurs en Belgique, dans les salles de sport? Aucune idée. Eh ben, moi, je passe le message à l'antenne. Oui, c'est pas toi qui demandais. Si jamais on est diffusé. Non, mais si, je demande aux 8h, donc techniquement, comme il en fait partie, ben, je m'adresse à lui aussi. Non, c'est vrai. Ouais, je prends toujours sa défense. Oh, merci. Toujours prendre la défense des auditeurs, c'est comme ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent dans des Basic Fit? Si c'est le cas, eh ben, vous m'envoyez un petit message en disant: ouais, moi je t'écoute, je m'entraîne actuellement à tel Basic Fit et je suis en train de t'écouter. Il y a du réseau dans les Basic Fit? Bah, certains oui, certains d'autres non. Donc 0492 222 002, n'est-ce pas, Richard? 0492 222 002. Voilà, formidable. Alors, on va regarder s'il y a des personnes. Ah, Vince, moi je travaille dans une salle de sport privée, c'est la mienne. Ben voilà, message qui vient d'arriver à l'instant. Ouais, grave, comme lui, vous êtes ma drogue. Pas mal. Vous êtes mon LSD, comment vous voyez? Pas mal. Il dit quoi, David? Bizarre, moi aussi, je suis accro à l'énergie. Mais que de 21h à minuit, je sais pas pourquoi. Ah bah, ça fait plaisir déjà, c'est le début. Oui, mais à l'école, je suis sûr qu'ils t'apprennent même pas le jeu du légume et de l'aliment. Merci pour le message. Vince, moi je t'écoute depuis ma chambre et j'éteins dès que mes parents se ramènent. Ah ouais, t'es en mode discretos. J'adore. Ah, c'est trop fort, ceux qui nous écoutent cachant. On a tous fait ça, hein. Ouais. Salut Vince, moi je m'entraîne au Basic Fit de Hucle. Je sais que de temps en temps, ils mettent énergie le soir. Là, je t'écoute, mais je m'entraîne pas. Ah, bah, intéressant. Ah, cool. Intéressant pour l'instant. Ouais. Ah, Vince, méthode pour arrêter d'écouter Vince sur l'énergie. Oh, et puis merde, tu accro, je m'en fiche, c'est bon pour la santé. Merci pour le message. Kevin, il dit quoi? Alors, moi, Vince, je t'écoute tous les jours. Mais la journée, putain, comment est gaffe, j'aime pas. 21h minuit, c'est le top. Oh my god. Parce que le matin, ça pue la merde. Non, mais non, putain. Non mais c'est pas possible, à un moment donné, je vais devoir quoi? Filtrer vos messages, les gars, c'est ma famille, vous touchez à ma famille, vous pouvez pas faire ça. Gilets jaunes, manifestation, Kevin. Gilets jaunes, faut danser petit. Je vais réappliquer avec des gilets jaunes chez toi. Eh, hey, touche pas à la familia, c'est sacré. Que tu touches Tanguy, que tu touches Quentin, que tu touches les 6-9 d'énergie. Pas toucher les petits. Tu peux toucher qui tu veux, énergie, c'est la familia. Et si tu touches quelqu'un de la famille, il vient et il fait semblant que tu es mon pote et puis il te crève les yeux par derrière. Par derrière. Non, je rigole, mais ça fait plaisir que tu sois à l'écoute de l'émission, mon pote. Hein, mais t'inquiète pas, ils font des bonnes choses partout. On est là, c'est ensemble. S'ils n'étaient pas là, on serait pas là non plus. Ben ouais, c'est ça. Hein. Donc ouais. Arrête de faire le malin, Kevin. Voilà, bisous à toi. Il m'a envoyé un message. Désolé, mais c'est la vérité. Non, mais là, bouge pas non plus. Salut Vince, moi je t'écoute depuis une autre salle de sport. Alors, je reviens rapidement à Josué. Josué, mon pote, ta mission, si tu l'acceptes. Est-ce que tu veux l'accepter? Ça, c'est la question déjà. Mais ta mission, si tu l'acceptes, est de téléphoner. T'as le temps, hein? Je te donne jusqu'à vendredi. À tous les Basic Fit pour dire branchez-vous sur énergie le soir. Okay. Quoi? Tu lui as donné une mission de. C'est la purge. Il doit appeler tous les Basic Fit. Bah oui. C'est une blague. Oui. Bonjour, c'est Josué du Basic Fit de Wesembe Copem. C'est exactement ça. Alors, je suis passé à la radio. Bah, il appelle des collègues. J'ai été piégé. On m'a demandé de faire quelque chose et là, maintenant, je suis obligé de faire. Alors, attention, Josué. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Il y a combien de Basic Fit en Belgique? 200, 300, je sais pas. Ah, attends, on va. Ah bah attends. Ok. Moi, je propose que tu arrives déjà en fidéliser 5, c'est-à-dire un par jour. C'est pas beaucoup. C'est déjà très bien. On commence gentiment. Et prends les plus gros. Est-ce que je peux avoir tout Bruxelles pour toi? Arrête. Tu me chopes tout Bruxelles? Tout Bruxelles qui écoute l'émission sur énergie? Ouais. Eh, Josué, il va. Tu sais quoi, je vais commencer à faire des rankings, tu vois, des auditeurs qui ramènent plein d'auditeurs. On va faire un système de parrainage maintenant. Ah ouais. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas d'argent là-dedans, hein, juste du prestige. On vous envoie des cadeaux. Tu sais quoi, on va faire ça? Et prends-nous. Demande Gab Russells. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Plus que ça, je rappelle, en plus, je suis super content. En 2019, Energy nous débloque un budget pour des cadeaux. Mais des cadeaux de ouf, hein. Un budget incroyable. Voilà. On choisit les cadeaux, nous. Et c'est la première fois dans toute ma carrière radio que j'ai enfin le choix, le droit de choisir mes cadeaux. C'est vrai? C'est la première fois que ça m'est jamais arrivé en 10 ans. J'ai pas arrêté de demander, on m'a dit non, c'est pas possible. Et comme par hasard, les cadeaux que je demandais, c'était dans les autres émissions. Je me suis dit, ah bon, donnez les gars. Ah ouais. Voilà. Et ben là, tu dis un coup, là, je te le boss, il m'a dit, on a autant de droits de budget. Je fais quoi? Alors, oh my god. Alors je me suis dit. Il y a moyen d'avoir une PS4. Alors, tu sais, Brian fait, et ouais, et pas tes tournements de fond, je te rappelle que t'as signé une clause d'anticorruption. Hein. Je fais, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais. Ouais. Parce qu'on est fidèles ici. On commence pas à détourner. Ouais, voilà, on s'appelle pas Jérôme Cahuzac ou des trucs dans le genre. Hein. Oh, ça se passe en France, ministre du budget. Quelle vie. Ouais. Voilà, on est bien d'accord. Bon, Josué, t'es prêt pour relever le défi, mon pote? Ouais. Eh ben, jugé, c'est parti. Il va devoir nous ramener un maximum de bras. Fais vite. Et je précise aussi, vous de votre côté, hein, que ce soit à l'école, profitez-en avant que ce soit la fin de vos examens, votre famille, vos potes, il n'y a aucun problème, hein, faites-vous plaisir. Hein. Donc voilà. Josué, je te souhaite une très bonne soirée et franchement, bienvenue à toi. Merci pour ce message, ça me touche beaucoup en tout cas. Merci. À bientôt. Allez, au revoir. Quand tu veux. Et j'ai un message du Basic Fit de Mézancy, en province du Luxembourg. Voilà, qui sont en train d'écouter aussi. Loin, big up à vous. Big up le luxe. Exactement, c'est loin, mais ça fait plaisir. À bientôt, merci Josué, c'est cool mon pote. Tchuss. Bye bye, ciao. Porte-toi bien. Ah mais c'est cool de voir plein de nouveaux là. Vin, c'est vous qui faites des canulars téléphoniques? Oui, c'est nous qui faisons des canulars téléphoniques. Ouais, c'est bien nous. Et on est bien d'accord. Bon, on va parler égalisé dans quelques instants. Mais d'abord, Henri PFR. Catching Butterflies. Ça vient de chez nous, ça vient de la Belgique. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, un très bon lundi. On va se poser, on a Prime de l'extrême qui vient ce soir pour les canulars. Le bébé, je les connais, Give Mo 5. Et qu'est-ce que vous allez faire Noël? Venez nous raconter. Fall, I'll be your safety. You're my favorite drug. Never leave me empty. Can't stop us now, we're floating. Don't matter where we're going now. Oh now. Lately, we've been catching butterflies. Pink and yellow, blue. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. We've been catching butterflies. to be with you. One love, I was caught off guard, like a shot to the heart. Yeah, we are, bound for the stars. We got our own thing now, we got our own thing now. Yeah, I'm greedy with your love, fall, I'll be your safety. You're my favorite drug, never leave me empty. Can't stop us now, we're floating. Don't matter where we're going now. Oh, now. Lately, we've been catching butterflies, pink and yellow, blue. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. We've been catching butterflies, summertime in blue. Oh, you got me making hurricanes just to be with you. Catching butterflies, catching butterflies, catching butterflies. Le soir, du lundi au vendredi, dès 21h, Vince est sur Énergie. Attends, Nadia, je rêve où t'as dit Marbella, genre. Ouais, moi je dis Marbella, moi. Ça, ah, ça te manque, hein. Ouais, ça me manque, ouais. Toutes les chichas et tout sur la plage. Ah là là. Ouais, bon. Quelle vie. Bienvenue sur Énergie, les amis. Vous faites quoi à Noël? Venez nous raconter. Vince, moi, PS4 pour la Noël. Tranquille. Vince, vous les faites quand les canulars? Ça va arriver tout à l'heure, là. Écoute le premier. De quoi écoute le premier? Ça? Salut, Vince. Oula. Cédric est dans la maison. Attends, je remets. Salut, Vince. Cédric est dans la maison sur Énergie. Merci, Cédric, pour ton message. Non, t'as vu le tirage de la Ligue des Champions? Sinon, si t'as pas vu, je peux t'envoyer une photo. Hein. Le quoi? Il a parlé de quoi, là? Le tirage de la Ligue des Champions? Le tirage au sort, ouais, des 8e de finale. Paris Saint-Germain, ils sont nouveau éclatés. Ouais, ils vont se faire éclater, je crois. Bah, contre Manchester United, quoi. Vince Noël. En famille, Noël en famille, en mode blindé en cadeau. Le sapin craque, bise à l'équipe, Roxane est dans la maison. Est-ce qu'il y a des gens qui, pour Noël, ils font les distributions de cadeaux un peu aléatoires? C'est-à-dire... Ou est-ce que, par exemple, toi, tu préfères, par exemple, acheter un cadeau pour une personne? Non. Ou alors, ces gens... Parce qu'il y a des gens qui font ça, genre... Tu achètes un cadeau et puis tu mélanges. Et puis tu sais pas sur quoi tu vas tomber. C'est ça, ouais. Toi, tu fais ça? Ouais, moi, je fais ça. Et genre, on tire au sort un chiffre et tu tombes sur le cadeau avec le chiffre. Ah, dis ouais. Donc, c'est incroyable. Du coup, ça c'est bien. Et une fois, je suis tombé sur un iPhone. Ah, bah, t'as du bol, hein. Sauf qu'à l'intérieur, il y avait un œuf. Oh, du coup, j'avais grave. Ok, d'accord. T'es tombé sur le paquet de l'iPhone et tout. Ouais, et t'y as cru. C'est des comics dans ta famille. Non, moi, c'est cadeau pour tout le monde. Ah, et justement, avec Alizé, comment ça se passe ta Noël alors, Alizé? Ben, moi, je vais étudier. Oh mon dieu. Non, mais attends, tu vas quand même prendre le temps, le réveillon de Noël. Ben, je fais le réveillon avec ma famille. Et le lendemain, je travaille le soir de Noël. Tu travailles c'est où? C'est pas vrai, mais quel dans une boulangerie, mais j'étudie le matin. Eh ben reste, mais elle est bizarre, elle. Elle est courageuse, elle a envie de faire. Voilà, elle a dit j'étudie. Faut bien payer ses études, hein. Oh waouh, dis donc. Ses études, hein, ça fait 3 ans que je fais la même chose. Eh, franchement, c'est top. Non, mais tu sais quoi, c'est drôle parce que j'ai toute une période Noël en famille jusqu'à mes 17 ans. Et de mes 17 jusqu'à mes 23 ans, c'était Noël à travailler, en fait. Je bossais. Ah ouais? Bah ouais, j'étais job étudiant et tout. Donc, ça gagne bien. Ouais, bah ouais, à ce moment-là, Noël et tout. Donc, je faisais des emplacements dans des hôtels, tu vois, le réveillon de Noël, etc. Hôtel business un petit peu. Et c'est cool, je me faisais mon cash, je me dis voilà, et je laisse ça sur le côté. Et puis après, quand je suis arrivé en âge, tu vois, avec les enfants et tout, bah là, du coup, Noël, on le repasse en famille. C'est magique. C'est un retour des choses, tu vois. Vous trouvez ça bien, vous? C'est chouette, c'est tellement agréable. Ça pue la merde, moi, Noël et tout. Pourquoi? Ouais, je déteste. Lui, il aime pas. T'as pas cette période quand tout le monde est gay. Je déteste les fêtes, hein, même Nouvel An, ça pue la merde. On s'en fout de passer une année. Non, le problème, c'est qu'il fait froid. Mais c'est symbolique. En fait, on se dit, ouais, on va sortir. Et puis après, il fait tellement caillant, t'es là. Il fait froid, ouais, bonne année. Ouais. Dis-nous, dis-nous si vous aimez ou pas les fêtes de fin d'année. Moi, c'est perso, c'est drôle, il y a un moment, je m'en foutais. Mais j'étais un peu. C'est pas que j'aimais pas, c'est que je m'en foutais. Ça faisait ni chaud ni froid. Non, mais c'est quand j'ai ton âge, je m'en foutais, tu vois. Parce que voilà. Dis-moi, il y a quoi d'important dans les fêtes? La réunion de famille. C'est clairement ça. C'est envie de voir ta famille, tu sors chez toi, tu vas les voir. Mais non, c'est tes enfants, c'est, tu vois, c'est la magie dans leurs yeux. De se dire, ah ouais. Oh, tiens, il y a le Père Noël qui va mettre des cadeaux, etc. Les décorations. Voilà, le Père Noël qui est Maxi Toys et les lutins qui sont les usines chinoises qui vont mettre. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, qui vont mettre les petits cadeaux. Et alors, du coup, c'est tes enfants qui sont là, qui sont impatients, qui se réveillent le matin, qui courent pour voir leurs cadeaux parce qu'ils croient en quelque chose. Non, mais je te jure, moi, c'est-à-dire pendant toute la période où j'en avais rien à foutre, j'avais pas d'enfants. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai appris à réapprécier les fêtes. Voilà, ma fille a 5 ans, parce qu'on me pose la question. T'as surtout appris à redouiller. Voilà. Ça coûte cher. Ouais. Alors, non, mais alors, sinon, il y a quelqu'un qui me dit je déteste pour ma part. Moi, Noël en famille, chez ma belle famille, où qu'on cuisine avec ma copine, on sait pas encore quoi. Mais pour Nouvel An, je taffe de 9h30 à 20h30, 50 heures en 5 jours, juste avant Nouvel An. Un plaisir. C'est comme nous, quoi. Pareil que la meuf à l'antenne, je bosse le 25. Elle s'appelle Alizé, la meuf à l'antenne. Et le 1, à 5h du matin, du coup, dodo à 20h. Coucou à Valou qui est connecté aussi. Noël, j'aime bien, ça permet de rassembler toute la famille et tout. Alors, je suis d'accord, il faut pas compter que sur Noël pour rassembler la famille, bien entendu. Mais moi, je trouve ça tellement magique quand t'as les enfants qui sont dedans et tout. T'as et... fait un sapin, toi? Ouais, ouais, enfin, j'ai pas fait encore un sapin, mais chaque année, je fais un sapin et il va arriver, je l'ai commandé. Il est assez beau, d'ailleurs, chaque fois que tu le fais. Ah, ben, heureusement, j'ai une demoiselle qui s'en occupe. Madame, il est pour beaucoup. Ah, ouais. Ah, mais madame, il est pour tout. Ah, tu sais que j'ai déjà, je vais vous montrer quand je vais rentrer, je vais montrer sur Instagram, elle a déjà chopé tous ses cadeaux. C'est-à-dire qu'elle, elle met un point d'honneur. Malade. Ma chère et tendre, elle met un point d'honneur aux cadeaux d'anniversaire, de Noël et cadeaux d'anniversaire. Cadeau Noël, elle prend pour toute la famille. Ouais. Donc je te dis pas ce qu'il prend pour toute la famille, le compte en banque il m'insulte là maintenant. C'est elle et moi, non, c'est pas vrai, elle gère ses thunes, heureusement. Mais genre on est arrivé là, on a été faire les courses aujourd'hui et on arrive à la caisse. En fait, c'est bien Noël, c'est bien Noël. C'est là qu'en fait tu vois tous les Insta stories et tout, il y a 1000 cadeaux. Mm-hmm. Et puis toi c'est le 7 janvier et puis j'ai rien reçu. T'es... Ouais, c'est ça. Comme ça, c'est ça. C'est non la mais famille. C'est ouf, c'est ouf parce que du coup elle prend des cadeaux pour toute sa famille et je pense qu'elle a déjà acheté une vingtaine de cadeaux. C'est énorme, c'est un truc de ouf. Alors donc du coup moi aussi je vais devoir pour le strict minimum tu toi, vois tu moi vas je suis faire aussi des cadeaux pour nous. Ouais, pour vous bien sûr, mais ah vous oui, allez devoir, il va falloir attendre ça le 7 janvier les non, gars. Non mais cool. Thibaut a une super idée, c'est que vendredi on se fasse sur une spéciale Noël pour préparer Noël et que chacun amène un petit cadeau pour le, je sais pas, on peut faire on peut les mettre au centre et puis voilà. Ah très bien, et on tire au sort. Ouais, vite fait. Oh, très bien. Ah, mais il a des bonnes idées, le petit là. Ça, c'est la rousseur, parfois ça fait pousser des carottes dans la tête. Voilà, Vince, voici notre sapin. Oh putain, trop beau, regarde ça. Montre. Le sapin, on dirait. Non, mais parce que moi, je trouve qu'on voit l'âme des gens dans le sapin. Waouh, oh putain! Il est ça, rouge. C'est un sapin de Disneyland. Ah oui, il est magnifique. Mais il est magnifique. Elle est ouf. Eh, franchement, classe. C'est plus qu'un sapin, c'est. C'est le sapin de Geoffrey, il nous a envoyé. Voici notre sapin, il est vraiment beau, quoi. Wow. Tout de rouge. Tu trouves pas qu'on voit l'âme des gens dans leur sapin? Ouais, de ouf. Mais par contre, j'espère qu'il prendra grave feu son sapin. Mais arrête! Mais non, non. Pas, ou quoi? Et d'ailleurs, faites gaffe, si vous avez un vrai sapin, humidifiez-le parce que ça prend feu en 30 secondes. Sérieux? Hein. En 30 secondes, c'est brasier. En 30 secondes seulement. Hein. Brasier! Voilà, brasier. Totalement. Tu vois pas mes messages? Ah, mais je vois tes messages. Tu écris moi, maman, on m'a fait une surprise pour Noël. Vince est dans la maison. Bisous quelle à toi. Surprise. Alors, envoyez-nous vos photos de sapin, les amis. As-tu lu mes deux messages, Vince? Non, pas encore. Vince, je voudrais bien faire un jeu, s'il te plaît. Parfois, il y a des gens qui forcent. Eh, les gars, on a 72 millions de messages qui arrivent. Oui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Alors, Vince, désolé, ma biche, on a cherché quelque chose pour là, mais nous n'avons fait quoi? Oh, c'est quelqu'un qui a reçu, oh mon dieu, regardez quoi? C'est quelqu'un qui a reçu un cadeau. Donc dès qu'il a ouvert la boîte, il y a eu un message genre désolé, mais voilà. Désolé ma biche, on a cherché. Je sais pas lire, c'est loin. Oui, c'est loin, mais c'est pour ça, c'est pour ça que je me suis arrêté parce que j'arrivais pas à tout lire non plus. Mais toi, t'es prêt? Voilà. Oui, mais c'est parce que je dois refaire mes lunettes en fait, tout simplement. Vince, écoute, tu vas rigoler. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Attends, je remets. Jackie, Michel est dans la maison. Ah, c'est trop fort, il y a tout le monde qui m'envoie les sapins là. Eh, mais c'est classe. Ah, oui, s'il vous plaît, ah, bah ça, c'est sapin. classique. Ah ouais. Il est posé. Très beau. Bien fourni. Voilà, c'est le sapin de Jamming, Jamming GP. Bisous Lara. Envoyez-nous vos sapins là, les amis. 0492 222 002 sur WhatsApp. 0492 222 002 sur WhatsApp. On se fait un gros bisou en tout cas, Lisée. Quand tu veux avec nous, hein, ça va? Bisous aussi. Et je vous fais une petite dédicace, si non. vous voulez. Bien sûr, vas-y. Je vais faire une dédicace à tous mes potes qui m'écoutent parce que je reçois que des messages depuis tantôt. Oh yeah! Je suis trop populaire en fait. Et on les salue, merci à eux. Plus que toi, Nadia, quand même. Excellent. Mais bam! Juste un truc, Alizé, tu viens de quelle ville encore? Mais là, je fais mes études à Jambou, mais sinon, j'habite dans les Ardennes. Normalement, tu veux des Ardennes. Waouh! Ah, d'accord. Et ils t'écoutent tout de Jambou ou des Ardennes, là, pour l'instant, tous ces gens? Des gens bleus. Ah, c'est cool, gens bleus dans la maison. C'est mes nouveaux potes du NIF. Moi, je salue l'école. Non, c'est mes anciennes secondaires. Ah. On s'en bat les couilles. Arrête, Nigel, putain, t'abuses. T'étais où en secondaire, Alizé? À Ciné, ah ouais, d'accord. À l'école d'agronomie. En plus, déjà en agronomie à ce moment-là. Ouais, gros. Ouais. Eh ben, ça rigole pas, dis donc. On te fait un gros bisou, Alizé. À bientôt, ma chérie. Bisous aussi, à bientôt. Bisous, Alizé. Allez, au revoir. Et courage. Ouais, courage. Merci. Allez, rate tous tes examens. Ah, Joel. Putain, t'es dans la bue, mec. T'as on va voir. C'est lui qui va rater tous ses examens. Mais vraiment. Allez, comment on va rire. On va voir Alex dans quelques instants avec nous à l'antenne. Oh, c'est qu'on va déjà l'accueillir. Allô, salut, Alex. Salut, Vin. Alex, c'est dans la maison. Alex, avec toi, on va parler de Noël aussi. Ça marche. Parce qu'il paraît qu'il y en a un que t'adores et l'autre que tu détestes, corps et âme. C'est ça. Allez, on en parle dans quelques instants. T'as déjà fait ton sapin ou pas? Pas du tout. Ah, ok. Absolument pas. Pas de problème. C'est bien, ok. Pas de problème. Non, il va faire son sapin tranquille. 27. Et les amis, il y a plein de photos qu'on nous envoie là sur les sapins de Noël. Bon, on arrive ça dans quelques instants là avec ça. Le prank de l'extrême, bébé, je les connais, c'est tout de suite. Téléchargez maintenant l'application Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie Latino, Énergie Hits 2000, Énergie Discover et beaucoup d'autres comme Énergie Rap FR. Retrouvez tout l'univers Énergie Rap FR en non-stop et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Rap FR sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. Laurine est dans la maison sur Énergie. Kevin est dans la maison sur Énergie. Naomi est dans la maison. 04 92 222 002. 0492 222 002. Bienvenue à vous sur Énergie, les 22h03 les amis. Allez, on va commencer les pranks hein, tout doucement là. Début d'émission, on les fait parfois, parfois on les fait pas. Mais dites-vous que c'est que ça va arriver là. Ça va arriver, le bébé j'ai déconné, le Guimau 5, le prank de l'extrême. Et Lara, ne pète pas ton micro s'il te plaît, fais attention Lara, qu'est-ce qui va se passer là? Non, je sais pas, je suis bien là. Ouais, déjà qu'ils ont pété leur micro au standard. Ouais, bravo le standard hein. Et bah non, c'est quoi? Ouais, bah non, on va continuer avec Alex là dans le standard qui a plein de choses à me dire. Allô Alex, tu nous reçois toujours? Ah. Ouais, toujours. Oh, Alex est dans la maison. Non. Sur Énergie. Alex, tu viens de quelle ville? Je t'ai même pas demandé. Je suis toujours en France. Ah, de où ça en de France? Dijon. À Dijon. À Dijon. Oh putain, mais t'es... Oh la moutarde et le pic. Mais t'es très bas comme ça là. N'est pas bah, très ouais. Ah bah ça fait plaisir. Comment ça se fait que tu nous écoutes? Eh bah, à l'époque où j'étais en France. Oh ouais, putain, tu nous as découvert quand on animait en France. Oh hey, c'est my trop fort. God. Ça. Ouais, mais c'est Alex là. Et ça nous le a mec suivi. Qui est venu en studio. Ah, mais c'est celui qui nous a promis qu'il allait nous rejoindre ici dans les studios d'Énergie aussi, un de ces quatre. Eh bien, bien vu. Ah bon, Alex est dans la maison. Ah bah c'est cool ça. Ouais, auditeur très fidèle Alex hein. Ouais. Mais t'es un passionné de radio toi Alex. Bah ouais. Ah bah je comprends, pour écouter des gens qui sont si loin, faut être passionné. Non, c'est juste que dans le pays où il est, c'est de la merde. Oh non. Soyons pas mauvais joueurs. Non, soyons pas honnêtes comme ça. Arrêtez. Notre job est de divertir, je vous rappelle. Bon, Alex, si t'es avec nous, là, c'est pour... Parce que toi, t'as un point de vue sur Noël et un point de vue sur Nouvel An. Alors vas-y, explique-nous un peu. Ouais, bah encore pour Noël, je suis totalement pour, parce que ce que disait Lara tout à l'heure, c'est magique, on voit toutes les décos, les trucs comme ça, c'est hyper stylé, quoi. Mais alors que le jour de l'an, clairement, tu passes un jour et franchement, je vois pas vraiment l'intérêt, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est quand même un changement de calendrier. Il paraît que c'est un renouveau, tu vois. Et ouais. Quand c'est un renouveau, tu. Voilà, il y a. Tu te sens bien. Il y a de nouvelles lois qui passent, il y a des changements. Mais arrête voilà. Les résolutions qui durent deux secondes là. Ouais, en 2019, je vais faire du sport, la vie de ma mère. C'est vrai que généralement, tu te dis ça, et puis après, t'as fini après trois semaines. Ouais. Mais il paraît qu'il y a plein de gens qui prennent des résolutions et qui, malgré tout, fonctionnent. Alors, t'as peut-être 2 sur 10 qui arrivent à les continuer et mais tout. C'est déjà bien. Mais si tu devrais voir un petit peu, regardez, surveiller des. Pour voir les tendances mondiales, il faut surveiller Amazon. Regardez ce qu'Amazon vous propose. Dans le top des ventes. Attends, le jour de Nouvel An. Ils vous proposent que des trucs en rapport ou avec le sport ou avec l'alimentation. Bah ouais, parce qu'en fait, en gros, ils font un genre ah bah tiens, maintenant vous allez vous remettre. Voilà, vous allez vous remettre dedans et tout. Après les fêtes, t'as beaucoup mangé. Et c'est vrai que quand t'es invité directement dans 4-5 endroits, ouais. Bah ton ventre il grossit vite, toi. Ouais, c'est vrai ça. Avant, moi je me suis dit, et je te jure, quand j'étais jeune, je me suis dit, ouais, c'est de la connerie. Cette histoire de. Quand j'étais jeune, parce que maintenant je suis devenu un vieux croulant, bien entendu, mais quand j'avais genre 15 ans, on me disait, ouais, les nouvelles résolutions, genre tu prends du poids pendant les vacances. Mais c'est quoi cette histoire, tu prends du poids pendant les vacances? Mais en fait c'est totalement vrai. Mais ça c'est vrai dans les all-in. C'est ouf quoi, ouais. Surtout dans les all-in. Non, ouais, quand tu pars en inclusive et tout. Mais même période de Noël, quand tu t'es invité chez un tel, t'as une bûche partout. Mais c'est ça, tout le temps, constamment. T'es tout le temps invité à manger. C'est génial. Ouais, non mais tu grossis trop. Non, ça franchement, le seul truc qui est bien pendant les fêtes, c'est que tu vas chez les gens et t'as toute la bouffe. En plus, c'est la bonne bouffe qui est servie. Foie gras, tout ça. Ah ouais. Parce qu'on. Voilà, on met le petit plat dans les grands, bien entendu. Hein. Ouais. Voilà. Merci à Sébastien Gâteau qui nous écoute là. Il nous écoute depuis la France aussi là. Et ben franchement, merci à tous les Français qui nous écoutent. Vite, je pars à New York du 23 jusqu'au 27 pour Noël. Et puis, je fais la nuit du 31 infirmière en oncologie pédiatrique. Et ben merci Charlotte pour ton message. Et c'est cool. Putain, 4 jours sur New York, tranquille. Ouais, c'est cool. Hein. Plus New York sur Noël. Si je voulais le Noël faire. Sur New York, c'est vraiment très, très beau. Je voulais le faire. T'as les moyens? Ouais, j'ai les moyens. Ah bah putain, ça se voit que tu bosses avec moi. Ouais, t'as vu ça? Ouais, hey, bosser avec toi, ça donne des ailes. Hein. Ouais, c'est allez, mieux qu'avant. New York, ouais. Nous. J'arrive. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a examen, donc il peut pas. Tu ouais, vois. Exactement. Vince le sapin d'Abdel est dans la maison. Oh, trop beau, regardez-moi montre ça. Montre ton sapin à lui. Voilà. Tadam. Ah ouais, hein ouais. Montre un peu, montre minimaliste. Voilà, ouais. Ça j'adore. Hey, déjà, cool. Normalement, juste tu t'appelles. Des lumières, hey. T'as vu comment ils sont bien mises? Ouais, hey, mais déjà, normalement, tu t'appelles Abdel, t'es pas sans savoir de sapin. Pourquoi? Oh, ne quel. Voilà, ça c'est le cliché de vraiment, merde. Vraiment, allez, vas-y, arrête avec tes trucs là. Il est ouf lui. Alors, il y a Leïla qui nous envoie une petite note vocale aussi là. Et Leïla est dans la maison. Bonsoir mes loulous. Merci. Non, je suis désolée, mais. Et regardez le sapin qu'on m'a envoyé. Tadam. Oh, j'adore ceux-là. Explique ça, c'est les nouveaux qu'est-ce sapins. Qu'est-ce que tu vois là, maintenant, quoi, dans les magasins de décoration, tu as. Bon, c'est un peu comme celui-là. C'est très moderne. Tu as hein. Des pins. Oui. Non, pas des sapins. C'est pas des pins. Mais des pins. P-I-N. Des pins. Blancs, comme ça, avec des branches. Et en fait, les lumières sont intégrées. T'as aussi je trouve des ça pins génial gris, si parce veux. Que c'est extrêmement écologique. C'est dur à expliquer, en fait, mais en gros, j'ai l'impression, moi, de voir un et buisson un arbre, en hiver. Mais c'est un arbre. Si tu peux me permettre, pour essayer de décrire aux gens, je vois un buisson en hiver. Vous savez, le buisson en hiver. Mais c'est pas un buisson! c'est un buisson. Mais non, qu'est-ce qu'il y a un super long ouais, trou. Ouais, mais ça ressemble à un buisson c'est en un hiver. Mais ça ressemble à un buisson en hiver sur lequel, genre, il y a des flocons de neige qui sont posés. Oui, c'est un arbuste dénudé. On est d'accord. Oui, c'est un arbuste dénudé. Voilà. En tout cas, parfois, quand vous voulez faire les gens modernes, faites quand même un truc bien. Non, c'est cool. Ça très très bien parce que franchement, plus... regarde, la personne a montré ça avec le reste de sa déco et ça donne super bien. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà, il faut le préciser. Instagrammable tout ça. Voilà, tout ça pour Instagram, mais au final, en vrai, l'éteindre. Non, en tout cas, respect à la personne, ma petite déco de Noël. Respect à la personne qui a le numéro qui termine par 73-37 qui nous a envoyé son arbre de Noël. Et moi, je trouve ça vraiment très beau. Salvatore, il nous dit quoi ? Salut la famille, bonjour à tous. Salut Vince, c'est Salvatore. J'ai passé voir l'occasion de vous envoyer un petit coucou. Je le fais pour la première fois. J'espère que ce message passera. Salva est dans la maison ! Sur énergie, message bien passé. Bon Alex, c'est quand que tu viens nous rendre visite ici en studio, là, que tu pars de Dijon en France ? Mois de février, j'ai calé ça mois de février les gars. Attends, comment, tu nous as même pas demandé Si, il nous a demandé, ouais. Voilà. Ah, ok, d'accord. Non mais c'est parce que comme toi, t'es pas dans la gestion de cette émission, bah voilà, tu comment peux, t'es pas au courant. Ah ouais, c'est vrai, je voulais gérer les petits boulots. Voilà. Les petits boulots. C'est vrai, Lara, c'est vrai que c'est la compta, l'administration. On te fait un gros bisou Alex, et on t'attend ici avec plaisir. Voilà, et je te souhaite déjà à l'avance joyeux Noël et une bonne année que t'as pas fêté. Hein. Ça va ? Bonne année, joyeux Noël les gars. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao Alex, bye bye mon pote. Ah, ça fait plaisir d'avoir toujours des anciens comme ça qui sont là. Caroline qui lui fait par Luna 6 ans. Regardez, elle a fait. Oh, des vitraux, c'est génial. Ah, oh, c'est magnifique. Attends, c'est pas vrai, c'est pas une fille de 6 ans qui a fait ça. Si, elle a dessiné sur. Si. Bah, aidée par sa maman, je suis désolée. Bah, qu'est-ce que t'en sais ? Non, regarde, il y a le dessin là au-dessus où elle est en train de le faire. Montre. Bah regarde, elle est en train de le faire, voilà. Bah donc, allez, c'est quand même, c'est une fille de 6 ans qui a fait ah ça, ouais, c'est de la merde. Ah ouais, coloriée à l'intérieur, c'est magnifique. Voilà, donc il y a une demoiselle qui a colorié sur des miroirs. Enfin pas des miroirs, vitraux. Sur des vitraux de non, préférence. Non, attends, c'est magnifique. Comment elle s'appelle, cette petite fille ? Mais je ne connais pas son prénom. Elle fait trop genre alors que ça pue la merde. Nigel, non, c'est déchire attends, ce truc. Tu te fous de moi, c'est magnifique. Et Caroline, s'il te plaît, fais vraiment pas gaffe à Nigel, voilà. Nigel, je sais pas ce qu'il a, ça sent qu'il est frustré parce qu'il est en examen le mec. Il clash tout le monde ce soir, mais vraiment tout le monde. Eugénie est dans la maison. Oh non, merci Eugénie. Vince, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous aimez ma déco ? Oui, on a trouvé ça très très sympa. Ouais, très beau. Merci Anna en tout cas pour ta sympathique déco que tu nous as envoyée. Loïc, bonsoir à toi. Bonsoir, Loïc est dans la maison. Sur énergie. Connais les bails, hein. Loïc, ce soir, tu es le premier prank de la nuit. Le premier prank de cette émission. Qu'est-ce qu'il y a, John ? De la nuit. Oui, c'est la nuit, là. Du la nuit. Oui, ou de la nuit. Le premier prank du la nuit. Voilà. 22h11. Loïc, on va appeler qui ce soir ? Alors, on va appeler ma copine qui s'appelle Manon. Ok. Et en gros, je vais lui faire croire que j'ai décoré le sapin de Noël, parce qu'elle l'a décoré, mais il est vraiment moche. Du coup, je vais lui faire croire que j'ai remis la nouvelle déco sur le sapin, mais qu'il a pris feu. Et c'est le genre de fille qui est genre hyper maniaque, qui a mis genre 4 heures à faire son sapin, ça, on est d'accord. Genre déjà, elle va s'énerver parce que j'ai touché à son sapin, voilà. Alors que son appart, il a pris feu. Ah, carrément, tu vas faire croire que tout l'appart a pris feu, enfin une bonne partie, ah, quoi. Ouais, je vais faire croire, genre, je suis à la rue là maintenant parce que les pompiers sont en train d'éteindre le feu, quoi. Bah oui, ça sent le sapin. Eh ben, Loïc, j'adore un bébé, je déconne comme ça. Merveilleux. Ouais, c'est cool, ouais. En plein dans l'âme, en plein dans l'actu, sapin et tout ça. Cool. Ouais, formidable. Loïc, attention, on appelle Manon dans quelques instants, mais d'abord, on se fait plaisir avec. LP. Ça s'appelle Recovery. Et n'hésitez pas à envoyer nous vos photos sur WhatsApp, les photos de vos sympas, vos décos de Noël. Si vous avez fait des décos, des lumières et tout ça. Ouais. 0492 222 002, c'est le numéro WhatsApp. 0492 222 002. Bonne soirée tout le monde. Merci non, d'être non, là. Ouais. Quoi ? N'oubliez pas qu'après cette musique, on revient en forme. Hein. Soit parce que la musique elle pète l'ambiance, qu'on revient pas. Vite, c'est dans là. Mais stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see? Tell me that you care. I'm finally sober. I see the light. rest is over, nobody died. I'm still trying to let you go. Oh, baby, please leave me alone. Can't you see? Ce soir. Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Mais c'est cela, 22h15 les amis. Attention, on va se lancer dans le bébé j'ai déconné tout de suite sur Énergie. Pourquoi non? Le prank de l'extrême. Ben non, c'est le bébé j'ai déconné. Ah merde. Bah oui. C'est elle, elle écoute pas vraiment l'émission. Mais hein. J'ai cru que c'était ça parce que t'as dit c'est le premier prank mais de la nuit. J'ai cru que c'était le prank de l'extrême. Bah oui, en fait, le bébé j'ai déconné, c'est un prank. C'est un prank. Tous les jeux sont des pranks. Le prank de l'extrême, c'est un autre prank. Tout mais il est extrême, tu mais vois. Je croyais que c'était ça. Mais non, parce que le prank. C'est quand même extrême. Non, non. Le ton sapin a pris feu et. Ton, t'as une partie de ton appartement c'est aussi. Extrême, ça. C'est un bébé, j'ai déconné. Par contre, ton sapin a pris feu avec ton appartement et ta grand-mère y était. Ah. Ça, c'est un break de l'extrême. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a un layer en plus. Quoi. Voilà, il y a un layer en plus. J'avoue que. J'adore le terme. Bon layer. Formidable. Bon, attention, on va récupérer notre collègue du Loulik. Soir. Là. Loulik. Il s'appelle Loïc. Allô, Loïc, tu nous reçois toujours? Oui, je suis là, ouais. Loïc formidable. Est dans la maison. Loïc, attention, t'es prêt? On appelle tout de suite ta meuf. Ouais. C'est parti. Ils vont faire quoi encore? Mais oh, on vient de le dire, putain. Il va faire croire qu'il y a un sapin qui a pris feu avec l'appartement. Oh my god. Bon courage, mon pote. Vous appelez les sapins pompiers. Bon, en espérant que ça décroche maintenant. Oui, allô? Ouais, mon cœur, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça va le travail? Ouais, je vais bientôt avoir fini. Ils sont presque tous au lit. Ouais. Ouais. Tu crois qu'il y a moyen qu'on aille dormir chez ta mère ce soir? Pourquoi on irait dormir chez ma mère? Je sais pas trop comment t'expliquer, mais en gros, bah tu vois, le sapin, genre qu'on a monté hier. Attends. Ouais, le sapin, c'est quoi le rapport avec aller dormir chez ma mère? Mais attends, je vais tout t'expliquer, je vais t'expliquer. En gros, genre, cet après-midi, j'ai été aux Actions et tout, tu vois, et j'ai acheté de nouvelles lampes pour mettre sur le sapin. Ouais. Parce que, tu vois, c'était pas assez lumineux. Ouais. Donc, enfin, voilà, j'ai voulu te faire une petite surprise et tout tranquille et tout ça. Donc, bah, j'ai mis les lumières sur les sapins. Puis, je me suis dit, je vais te préparer un petit repas, genre, tranquille pour quand tu rentres et tout. Ah, trop mignon. Ouais. Enfin, le repas, là, pour le coup, il est cru, le repas, quoi, t'inquiète. Mais j'ai allumé le sapin et tout, et puis je suis partie de ma cuisine préparer à manger. Ouais, et je sentais que ça sentait brûlé, mais moi, je pensais, genre, j'avais brûlé quelque chose dans la cuisine, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est le sapin qui a pris feu. Non, oui, c'est une blague. C'est une petite blague que tu me fais. Non, mais en fait, le problème, mon cœur, c'est que c'est un peu trop brûlé. Genre, le repas, il est cuit et tout, tu vois, mais tout l'appart est cuit, tu vois ce que je veux dire? Quoi? Ouais, genre, En fait, je veux même pas te croire. Non, c'est une blague, c'est pas vrai. Ça arrive que dans les films, ce genre de choses. Non, je te jure que c'est vrai. Mais en fait, j'étais au Action, mais tu vois, Action, c'est pas de la top qualité, on se le dit clairement, tu vois. Mais déjà, d'où tu vas acheter des lampes chez Action, tu fais attention à ce que t'achètes. Et non, ouais. Non, en fait, j'arrive pas à te croire, non, c'est pas possible. Bon, écoute, c'est comme ça. C'était, tu sais que c'est mon appart. C'était une bonne attention, genre. Tu comme ça. Mais. Je m'en fous de ton attention. Mais là, mon appart, il est dans quel état? Ben, il est inhabitable, quoi. Enfin, je veux dire, tout est brûlé, quoi. Enfin. Même chez les voisins, ça a pris feu et tout. Genre le propriétaire, il va pas être content. Quoi, ah, mais t'es débile ou quoi? Non, mais là, on a l'appel tout de suite. Il est déjà au courant. Il est près de moi. Mais il est près de moi. Enfin, là, on attend avec les pompiers et tout en bas. Genre, il y a le feu encore. Oh mon Dieu, putain, mais qu'est-ce que t'es con. Ah, mais t'es débile, t'as vu de la javel ce matin? Ça se passe comment? Et en plus, tu m'appelles genre en mode sans pression. Oh, mon cœur, mais ta gueule, va bouffer je sais pas quoi. Mais oh, c'est bon, j'ai quitté mon travail, j'arrive. Non, là ça va pas du tout, c'est que j'en ai pas. Mais faut pas que tu viennes ici, de toute façon, ça sert à rien, il y a des pompiers. Tu viennes pas ici. Non, je m'en fous. J'arrive, c'est mon appart. Et toi, t'as tout fait brûler, t'es vraiment trop con. Je savais très bien que t'étais un gosse de 5 ans. Mais tu sais quoi, ouais, moi j'irai dormir chez ta mère. Toi, t'iras dormir dans la rue, tu fais ce que tu veux, tu dois retourner de la merde de chien. Mais non, tu rentres pas chez moi. Plus jamais on se voit. C'était mon appartement, c'est qui payait, c'est moi, toi, non. Oh, monsieur, viens mettre tes pieds sur le canapé, c'était tout. Maintenant, il n'y en a plus de canapé, donc tu vas te faire foutre, t'as compris? Mais oui, mais écoute, c'était moi, c'était mon intention. Écoute, je voulais te faire un beau sapin et tout. Genre, t'as sorti le sapin. Ah oh, ouais, mais trop bien. Mais maintenant, il y en a plus de sapin, oui, connard. Ouais, forcément, il y a plus rien. Ouais, forcément, il y a plus rien. Non, mais genre, je voulais te préparer un petit repas. Oh putain, et moi, de merde. Oui, ça me fait bavard. Mais non, mais c'était en train. Mais oui, mais oh, arrête de parler, tu m'énerves. J'en crains que ta voix là, elle m'énerve. Tu m'insupportes. Écoute, j'ai pas. C'est toi. Monsieur, sortez du bâtiment, tout de suite. Je raccroche, moi non. Sortez du bâtiment, ça devient dangereux. C'est mon appartement, tu te rends compte que je suis au travail, là, toutes les responsabilités. Monsieur, sortez du bâtiment, ça devient dangereux, sortez, attention. Oh merde, pourtant il est compliqué. C'est une blague, dis-moi que c'est une blague. Sortez. Monsieur, attention, il y a deux. C'est pas passé, ça nous tombe dessus. Reculez les voisins, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Monsieur, ça va? Est-ce que vous êtes blessé, monsieur? Oui, ça va, moi ça va, mais j'ai besoin de la baisse, j'ai froid. Vous avez dit quoi, monsieur? Je vous entends pas, il y a trop de bruit, monsieur. Venez, descendez avec moi. Oh, la chaise à papy. Elle va être toute mouillée. Non, c'est pas papy. Elle va être trempée. Mais quel connard, j'ai porté plainte. C'est mon cœur. C'est mon appartement, ça tout détruit. Merde. Ça va s'arranger. Mais où tu peux entomber mes couilles là? Le mec est en train de crever. Je veux même plus te parler, je veux même plus te voir. Non, blague. Non. Je suis désolé, mon cœur, je beau sapin, je voulais te faire à manger. M'appelle plus, mon cœur, je viens de te dire. Maman, je voulais te faire un beau souper et tout. Tu te trompes les couilles de ton sapin. La prochaine fois, offre-moi un smoothie. Allez, arrête de pleurer, je te jure, je vais travailler du coup, on va. T'inquiète pas. Elle a bu, hein. Travailler. T'as jamais rien fait de ta vie. Mais je demanderai à ma mère de faire ou quoi, tu veux. Mais la vie, ça marche pas comme ça. Mon cœur, je suis désolé. Mais mon cœur, tu vas aller dormir autre part. Monsieur, attendez, je vous passe ma collègue parce qu'on a un autre problème. C'est que l'incendie, il a créé un putain de château d'eau là qui est en train de couler. Il y a trop d'eau qui arrive. Oh putain, je vais me faire des soucis. Arrêtez, vous allez me faire rentrer nous dans la maison. Bande de jus, bande de connards. C'est une blague. Mais si, il faut réfléchir, hein. Faut réfléchir. Oh, mais je m'en vais. Allez, monsieur, ça va péter tout de suite. Je ne sais pas paix! Bande de cons! Fais porter plainte! Mais dis-moi que c'est une blague! Non, mais je te jure, on va tout arranger. Manon! Oh non! La réplique, je la connais! C'est une réplique d'une vidéo! Je comprends plus rien! Manon! C'est qui? Je suis le pompier, moi! sens pas approprié. Moi, je suis papy, ma chaise, putain de chaise, elle est trempée. Allô, Manon. J'ai l'émotion en moi, là, ça va plus. Manon. Loïc, explique-lui tout, dis-lui tout, là. Explique. Elle est en PLS, dis-lui. Mais ouais, mais en gros, ben voilà, j'ai voulu mettre de nouvelles décos. Dis-lui la vérité, t'entends aussi. Je vais souffrir. Je dois quand même vous dire un truc. Le prochain truc que j'apprends, je fais une crise cardiaque. Non, là, je pleure, je suis en colère et je comprends rien. Loïc, il est enceinte. Ouais, je suis enceinte. Il attend. Une vache. Enlève la chaise à papy tout de suite. Il est enceinte, la chaise à papy. Sinon, il va être trempé. Je comprends plus rien, Loïc. Loïc, dis-lui, putain. Ok. Vous êtes sûr que je lui dis, monsieur le pompier? Mais bien, mais oui, bah, mais ta gueule, dis-lui. Ta meuf en PLS, arrête ça, dis-lui. Non, continue. Bon, bah, en gros. T'es sur énergie. Manon, c'est une blague, t'es sur énergie, y'a rien de vrai. Manon, merci. C'était pas drôle, vos blagues. Ouais. Alors. Mon cœur, on va quand même dormir dehors ou pas? Et ouf, lui. Elle aussi, elle est dingue. Manon. Manon, tu t'inquiètes pas de la sécurité de ton mec? Ouais. Manon a raccroché. Bon, Manon. Mais Manon, ouais. Elle est un peu fofolle, non? Ouais, quand même. Hein. Un petit peu, non? Alors, moi j'étais pas bien parce que je me suis dit la pauvre elle en pleurs. Moi j'étais. Et t'as remarqué, c'est venu au moment où j'ai mis les bruits de pompiers avec le bruit de la maison qui brûle, ouais, tu vois. Elle pensait qu'à elle. Ouais, genre ma maison et tout. Et alors que lui. Il voulait lui préparer à souper et tout ça. Et attends, mais. C'est gentil quand même, non? Bien sûr. Attends, Loïc, remets un peu ton couple en question parce que moi j'ai l'impression qu'elle avait rien à foutre de ta gueule, hein, pour le coup. Bah. Non, mais ça n'est que voilà, là. Elle était pas bien pour son appart, pour son sapin, pour ses. C'est une blague. Et toi là-dedans, il y a même eu, est-ce que tu vas bien et tout? Bah oui. Moi j'apprends maintenant que la maison a cramé et que ma meuf elle a rien, je pète un câble. Non, je déconne, je suis super content, je suis autant mieux, tu vois. Ouais, on va pouvoir déménager, vive l'assurance, ouais! Ouais! Putain, tu me pensais que je dois renouveler mon assurance incendie. Vas-y, fais ça. Ouais, je l'ai renouvelé. Putain. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète, pourquoi t'as dit putain comme un pyromane? Je sais pas, j'ai des idées. Loïc. Ouais. Loïc, écoute, rappelle ta copine quand même là tout de suite et ouais, je vais la rappeler. Et tape un peu la converse avec elle parce que là, un peu flippante quand même. Hein. Ça va? Elle a raccroché. La pauvre, je suis sûr, elle a réveillé tous les enfants qui dormaient là. Ah, là certainnement. D'accord. Dans un internat, là, elle a réveillé tous les gamins. Ouais, elle dirait que c'est le Père Noël qui passe. Ah, putain, elle surveille des gosses en plus, mais c'est malade. Mais je suis sûr qu'il nous écoute à l'internat. Imagine, il y a un incendie dans son école. Vous êtes des cons. Pendant que j'y pense. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu quelqu'un qui nous écoute d'un internat qui fout l'alarme incendie. Ça ferait plaisir, t'as tiens. Mais ouais, plein de fois, plein de fois. Putain, ouais. Ouais, y a pas quelqu'un qui a envie de foutre l'alarme incendie là de son école, non pas de son école, son internat là. Hein, histoire de foutre un peu le boxon là. Tu seras le loser de l'école, mais le king de notre émission quoi. Complètement. T'as vu, j'ai bugué. Hein. Ouais. C'est pas grave, c'est lundi. J'ai pas réussi à parler. On te fait un gros bisou, Loïc. Bisous à moi aussi. Bah, rappelle-la, mon pote, hein, rappelle-la. Ouais, hein. Je rappelle, c'est premier. Et surtout. Je précise quand même que c'est gagné, bravo à lui. Ouais, bravo, lui. Ouais. Et il a quand même réussi à foutre un peu de chasse à sa copine. Mais par contre, ce soir, s'il la voit, il va bien devoir Ken avec elle. Pourquoi tu joues c'est chaud, sexe? Là, je crois que c'est foutu, là. Hein. Tu crois? Ouais, là, à mon avis. Ah, c'est sûr, elle va lui mordre la bite. Mordre-le! Quelle vulgarité, Snatcher. Major Lazer avec Tovno. Ça s'appelle Blow That Smoke. Souffle cette fumée de sapin. On arrive tout de suite, bienvenue. Darkness bring out our emotions. Mix them up in that life potion. Lose my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix some scars we share with white lights. Lose my head for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now, bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. Feel the smoke and let me love that fire. I don't need no memories. But it's broken, I'm floating higher. This man is so good for me. Feel the smoke and let me love that fire. I don't need no memories. But it's broken, I'm floating higher. This man is so good for me. Dreaming, living big but still the same. kids all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. No more smoking, let me love that fire. I don't need no memories. Baby's broken down, floating higher. This man is so good for me. No more smoking, let me love that fire. I don't need no memories. Baby's broken down, floating higher. This man is so good for me. Énergie le soir. Ça se passe avec Vince. Vince, dès 21h. Vince sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, il est 22h29, on aura-t-il 22h22, quelle tristesse. Oh, incroyable. Et ils étaient nombreux à l'envoyer, je sens des déçus en plus. Genre, oh, tu l'as pas dit à l'antenne, Vince. Ouais, non, merde. Ouais, parce qu'on adore le 22h22, c'est pour ça. C'est un chiffre miroir qu'on appelle ça, c'est bien oui, ça. Si hein. Tu veux, oui. Bienvenue à vous sur Énergie. Si vous ne connaissez pas l'émission, bah dites-vous qu'on est là tous les soirs, du lundi au vendredi, de 21h jusqu'à. Oh mon dieu. Je ne de base, dans le contrat, jusqu'à minuit, mais on dépasse toujours les minuit, effectivement. Et on est là pour se marrer, pour passer des bons moments, pour parler de choses très sérieuses comme pour parler de choses complètement déconnées. On fait une dédicace à Tom là qui nous écoute et qui dit dédicace à Léo, Lola, Sacha et Paulouch. Voilà. Big up. Message bien passé. Bisous à Christine Origi. Bonsoir à vous. Des bisous. Merci à toi. Lara, tu me fais péter de rire. Je t'adore. Adore. Message qui a été envoyé, merci à tous ceux là qui nous ont envoyé plein de messages là ce soir. J'ai pas eu l'occasion de tout lire. 0492 222 002 sur WhatsApp, je vous le rappelle les amis. On, tout à l'heure on a le prévu extrême, qu'est-ce qui se passe Lara? Je sais pas, je me marre. Mais non, mais tu te marres parce que pourquoi? Parce que je fais comme ça. Elle fait comme ça, mais on voit pas. C'est comme, je sais pas, je fais des grimaces. C'est vrai? Comme ça, regarde. Ah là là là là là. Effectivement, numéro qui termine par 5508. Nathan, à quelle heure tu as déjà fini le plus tard possible? Le plus tard qu'on ait fini, c'était quelle heure, les gars? 2h30. 2h30, ouais. 30, ouais. Même 41, je crois. Ouais, 2h41. 2h40 du mat. Quand on a appelé le directeur général et qu'il s'est fait flasher à 2h du matin. Ouais, à cause de nous. 2h40 du matin, on avait fait. Donc, ouais, quasiment 6h d'émission, presque. Hein. Ah, ça va. Ouais, c'est gentil. On s'aime tellement. Vince, c'est où le cul de Damien? Bah, Damien m'envoie des messages, hein, mais par exemple, ça. Oui, mais à l'école, je suis sûr qu'ils t'apprennent même pas le jeu du légume et de l'aliment. Voilà. Il m'envoie des notes vocales comme ça pour l'instant. Hein. Oui, Lara, ton rire me tue. Ah. Voilà, c'est un message d'Anna qui a envoyé ça. Qui est nouvelle. Hein. C'est la première fois qu'elle nous envoie un message le soir. Assassiné. Les amis. Lara, il n'y a rien à foutre de ce que je dis. Non, c'est la première fois qu'elle envoie un message ce soir. J'entends. Mais attends, mais moi, je comble. Non, mais ça va. Mais t'inquiète. Un petit silence, bim. T'inquiète. Bon, les amis, on arrive dans quelques instants. Dean Lewis avec Be Alright. Mais d'abord, je dois vous raconter une grosse galère ce matin. Je suis réveillé super tôt. Ouais. J'ai un pote japonais qui va venir dans cette émission dans quelques jours. Là. Sérieux? Ah oui, DJ Octo. Ah, celui qui va faire quoi? Avec des couteaux. Exactement. D'ailleurs, il va mixer dans Extravadance vendredi. Ah ouais, c'est un gros DJ du Japon et tout. C'est un pote à moi, il vient et tout. Et il va venir. On va taper une émission. On va se faire un petit délire. Il parle français? Ce serait cool de faire des blagues et de téléphoner au Japon. On va il voir. Il parle français? Il parle en anglais, lui. Ouais. Mais du coup, il sert à quoi? Bah, il sert à ce qu'on se marre et à ce qu'on fasse des bonnes choses. Et le mec, il est big là au Japon. C'est un truc de ouf. Big in Japan. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai un pote qui me dit: ouais, je le trouve pas. Ça fait 3 heures que je le cherche. Donc moi du coup je m'habille, je prends la voiture, je tourne en rond Gare du Nord et on pense qu'il lui arrivait malheur et tout. Et il devait arriver à 8h30, moi je suis là-bas à midi, on le trouve pas, on tourne. C'est quand même le deuxième asiatique qui a des problèmes à la gare. Hein. Ouais, c'est ça. Et tu sais, mon pote il est là, il est alarmé, tu vois, est-ce que tu as trouvé? Non, je l'ai pas trouvé. Puis il m'appelle, il me fait: non mais en fait je viens de capter, il m'a envoyé 8 p.m. mais moi je pensais que p.m. ça voulait dire le matin, alors qu'en fait non, c'est a.m. Wow. Je te jure, je l'en ai voulu. Non mais bravo. Mais vraiment complètement là. Allez, on arrive tout de suite sur Énergie, bienvenue. Fins, 21h minuit sur Énergie. Abonne-toi à la chaîne Énergie Belgique et découvre toutes les autres vidéos de Vince sur Énergie. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire.

Effectivement. En tout cas, vraiment, merci pour tous ces sympathiques messages que vous envoyez le soir, comme d'habitude. Giuseppe qui est là, qui est Vince. Peux-tu faire un coucou à l'équipe Vilo? Ouais, ceux qui mettent les vilos, qui les enlèvent, qui les remettent, qui créent des espaces et tout, là. Kevin, Sébastien, Fessat, là. Et à toute l'affiche, toute l'équipe d'affichage. Merci, Giuseppe. Ben, merci à toi pour ce message. T'as testé les trottinettes électroniques finalement? Pas encore, non. Électrique. Électrique, ouais. Électronique, ah, pardon, ouais. Excusez-moi, ouais. Ouais. C'est déjà électronique. Il y a l'électronique à la table. J'ai pas encore testé les trottinettes qui traînent dans les villes, là. C'est trop bien. Il y en a à Anvers et il y en a à Bruxelles pour mais l'instant. Je trouve ça incroyable qu'elles soient déposées comme ça n'importe comment. Bah oui, parce que tu pourrais l'utiliser si tu n'actives pas l'application. Dingue. Mais elles sont trop bien. Ouais, et ça sert à rien de les voler puisque tu sais pas l'utiliser sans l'app. Je me disais, putain, il y a quelqu'un qui a oublié une trottinette, il faut trop la prendre. Il y en a partout, mais il y a aussi des scooters, et puis c'est aussi les voitures partagées et tout. Tout, des voitures, des scooters, des vélos électriques, tout. Les cambios. Ça, c'est depuis longtemps. Damso, calme-toi. Bon, bonsoir à toute l'équipe. Merci Gwen pour ton message. Une petite dédicace à toute la famille. Pour moi, au taf depuis 5h30 du matin. Là, Wissem que je salue du fond du cœur. Wissem qui m'a accompagné avec beaucoup d'autres auditeurs qu'on a croisés et puis des personnes avec qui j'ai l'occasion de faire connaissance. C'était à la Green Walk qui a eu lieu. Tu l'as fait? Ah, j'ai fait la Green Walk. Waouh. Et alors? Oh, génial, super cool. Il y avait Silent Jill qui était là, la youtubeuse. Il y avait aussi Damiano. Là, Damien, je pense le. C'est qui ça? Ben, celui qui fait de la magie. Il y avait Simon Herc, okay. Il y avait Louis Kidi, il y avait Mom I'm Fine, il y avait moi aussi. Il y avait Abdel en vrai. Il y avait Abdel en vrai. Henri PFR est tombé malade, malheureusement, il n'a pas pu venir. Il est comment Abdel en vrai? Il est en vrai, voilà. Il est super cool. Bah non, mais comme tout le monde, c'est vraiment chill, tranquille. Docteur Idéologie qui nous a retiré. Il nous a rejoint très tard. Hein. Ça paye comme s'il sortait au Bloody, le mec. Hein. Bah ouais, comme s'il sortait dans une boîte de nuit. Docteur Idéologie est venu aussi. Effectivement, on était pas mal de. Voilà, il y avait moi pour la radio, il y avait des gens de YouTube, d'Internet, il y avait la télévision, Thibaut Roland, présentateur de la RTBF aussi. Ah ouais. Et tous ensemble, on était réunis avec. Toute une bande qui a été de base amenée grâce à l'initiative de Would You React. Vous connaissez Would You React? Ouais, le hashtag. Et ils font. C'est une chaîne YouTube de base qui. Ah oui, font je des sais, expériences qui mettent sociales. En situation des trucs pour voir si les gens vont réagir, mais des trucs un peu extrêmes. Et ça vient de Belgique, ils ont bientôt 1 million d'abonnés, les mecs. Et franchement, leur travail, il est impeccable, il est super génial et tout. Ils ont réuni genre 200 personnes comme ça et tous ensemble on a été nettoyés les rues de Bruxelles. Et dans quel quartier par exemple? On est passé par Gare de l'Ouest à Bruxelles. On a juste fait, franchement, c'était assez choquant, c'est une expérience assez dingue. J'ai pas envie de casser l'ambiance et tout. Vous savez, Bruxelles est connue parce qu'il y a beaucoup de déchets qui traînent en rue. Ouais. Malheureusement, on est un peu connu comme ça. Donc du coup, on a voulu sensibiliser un peu sur le truc. Tu sais quoi? En marchant et en ramassant ce qu'il y a sur notre chemin. Sur un espace de peut-être on a fait 1 kilomètre. Ouais. Genre on a marché 1 kilomètre. On a ramassé plus d'une tonne, facilement 2 tonnes de déchets. Si, c'est très sérieux, de une canettes tonne de chaussures abandonnées de dépôts d'immondices comme ça jetés à l'arrache, à la vite du plastique, du papier, des sacs. Mais comment vous avez fait une tonne, wesh? Mais je te jure, Nigel, j'ai pas compris. J'ai découvert, j'ignorais qu'il y avait. Toi, tu jettes tes papiers ou pas par terre? Moi, je jette jamais mes papiers par terre, non, jamais un mégot par terre. De toute façon, je fume pas. J'ai jamais jeté un truc par terre. Et quand j'étais un truc par terre. Je faisais pas exprès. Lui balaye. Je faisais pas exprès. Non, parce que voilà, c'est éducation que j'ai eue et je fais vraiment super gaffe avec mes enfants et puis je trie beaucoup aussi, hein, c'est important. C'est je pense un peu à l'avenir, c'est important. Ouais, c'est vrai. Et j'étais très étonné de voir seulement en dans un petit parcours comme ça ce qu'on a réuni comme déchets, ce qu'on a réuni comme sacs poubelles, des sacs bleus, des sacs blancs. Ça m'a choqué. Et vraiment, on a fait ça avec Bruxelles Propreté. Et je me dis, mais on a fait ça sur 1 kilomètre. Alors, t'imagines, tu prends toute la superficie de BX et tu soulèves tous les déchets. Admettons, tout le demain, on a un truc anti-gravité qui soulève tous les déchets. Ouais, Nigel, il a l'habitude de soulever des déchets. Ouais, Moi, je soulève tout ce qu'il y a sur mon chemin. T'imagines les immondices pas possibles, quoi. Donc voilà, en tout cas, j'ai trouvé super fort. Très belle initiative. C'était vraiment cool. Et Wissem, je le salue parce qu'il est venu avec ses enfants pour qu'il voulait sensibiliser aussi sur le truc. Donc voilà. Lara qui dit, arrête de regarder en souriant, putain. T'as pleuré. Attends, mais quoi, je souris pas bien. Tu mets mal à l'aise. Je tire la gueule, pas bien. Je souris pas bien. En fait, c'est pas bien. Mais non, mais ça va, vas-y. Fais du break. Je vais manger mon Malteser. Fais du break dance. On salue Aurore aussi, qui a de très beaux yeux et qui nous envoie des photos de ses yeux. C'est vrai? T'as de beaux yeux, tu sais. Nigel, tu peux clasher autant que tu veux, mais je suis désolé quand je vais montrer les yeux qu'elle a. Regarde-moi cet œil-là. Là. Ah putain, quel iris incroyable. Il a eu dur à dire, hein. Il a eu dur à le dire. Non, mais on dirait pas au mieux, il y a de la merde, genre, c'est le vide. Ah putain, je le savais, vas-y, c'est bon. Je suis sûr, elle voit rien. C'est bon, merci. On salue Kevin, Titouane aussi. Robin, flemme du blocus, courage, Robin. Ouais, courage. Et Robin, je crois que je la connais. Ah bon, ouais, c'est possible. Je crois que c'est ma pote. C'est pas, ouais, elle est en blocus en tout cas. Vieux ouais. Balayeur. Voilà. C'est une Renoir. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Robin, elle dédicace ma sauce. Voilà, ma sauce. Bah dis donc. Vince, demain, on va à la piscine avec l'école. Bah, amusez-vous bien, Leïla. Nathan, Vince, moi déjà en vacances à l'Athénée de Chenet. À coucou à Léa, à Logan. Il y a vraiment beaucoup de messages que j'ai ratés. Amour à Chenet. Vince, il y avait l'équipe de Will du React. J'ai vu, c'était à Gare de l'Ouest. Ouais, effectivement, c'était vraiment très très cool à faire. Coucou Vince, j'y étais aussi, mais j'ai pas osé te parler. Non, mais il faut venir parler dans ce genre de cas. Faut pas avoir peur. Vraiment, il n'y a aucun problème. Bon, les amis, on va parler d'un sujet important avant de continuer la suite d'un programme déjanté ce soir. Lequel? J'ai eu le plaisir d'accueillir Quentin. Salut Quentin. Allô Quentin. Quentin une fois. Quentin deux fois. Quentin deux fois. Et Quentin, en fait, il a mis son téléphone en parleur, il est parti loin, il a coupé le son, tu vois. Quentin. Et là, il entend qu'on parle de lui, il est ouais. en train de taper un sprint. Hey, Quentin, et il est là dans 3, 15. 2, 1 et... Bah, il n'est pas là. Ah, quel dommage. Par contre, on a Mathieu qui est là. Coucou Mathieu. Oui, allô. Ouais, Mathieu est dans la maison. Ouais. Ça va, Mathieu? Très bien, et vous? Bah bien, mon pote. Tu viens de quelle ville, dis-nous? Ciné. Ciné est avec nous ce soir. Ouais, c'est bon, ça. Cinéma. Excellent. Sud de la Belgique. Alors, Mathieu, on va parler d'un sujet important. J'ai eu beaucoup de messages concernant ce sujet. On nous a demandé, s'il vous plaît, faites-en un sujet. C'est très important pour nous. Quand je dis nous, c'est franchement une bonne centaine de gens qui ont demandé qu'on en parle. Ah, l'orientation sexuelle. Ouais. Est-ce que tu es gay ou alors lesbienne ou alors tu fais le sexe vers l'ouest ou vers l'est. Exactement. Tu t'orientes, hein. Lorsque tu prends ta direction sexuelle, que tu as fait, voilà, que tu remarques toi-même que tu décides d'être, enfin pas que tu décides, que tu es homosexuel tout simplement. Comment tu fais pour que ton entourage l'accepte? Tu sais comment j'appelle les gens comme ça? Comment? Les gens qui sont de l'autre côté de la rivière. Les autres côtés de l'autre côté de la rivière. Ouais. Genre toi t'as des gens qui sont sur la rive gauche et il y en a sur la rive droite. D'autres disent qu'ils sont en voile ou à vapeur. Tu ouais. Vois, ah donc, putain pas mal. Voilà. T'avais jamais entendu ça. C'est pas grave. Hein. Incroyable. C'est pas grave. Excellent. Hein. Et Mathieu, alors mon pote, on en parle avec toi. Mathieu, comment ça se passe toi dans ta life? Est-ce que tu parles à ton nom, au nom de quelqu'un? Est-ce que t'as fait un coming out? Explique-nous un peu. Bah mon coming out, oui, je l'ai fait, tout le monde est au courant pour moi. Félicitations, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Eh mais y a aucun suspense dans ton histoire à lui. Mais non mais c'est cool. Si. Mais maintenant comment ça s'est passé? Ça c'est la question à savoir. Bien un suspense. Alors comment ça s'est passé? Bon, bah là pour concernant ma mère, j'étais un petit peu bourré là-dessus. Ça je lui ai dit. Ah, t'as bu l'alcool oui. pour lui dire, d'accord, ok. Non, tranquille. Tu l'as dit à quel âge, Mathieu? Alors, j'ai commencé à le dire, j'avais 15-16 ans. D'accord. Ah, t'étais déjà bourré, bah dis donc. Et c'était au sens propre. Que t'as commencé à lui dire, ouais. C'est ça que tu dis? En fait, je fêtais mon anniversaire de mes 16 ans, en fait. Ah, ok. D'accord. Et alors, raconte-nous, elle a pris comment? Donc, elle l'a pris au moins. Enfin. Oui, ça c'est clair. Oh non, non. Ah, bah oui. Oh mon dieu. Merci. Merci Vince. Oh mon dieu. C'est là que c'était obligé quoi. Ouais, déjà il y en a eu une, j'ai pas relevé, mais c'est là. Gilet jaune. Gilet jaune. Excuse-nous Mathieu, donc vas-y, reprends mon pote. Donc tu l'as annoncé à ta mère et comment ça s'est passé? Bah elle m'a rien dit en soi, elle m'a juste reparlé le lendemain en disant bah j'avais des doutes, mais j'étais pas vraiment sûr. Bah maintenant, bah voilà, je lui ai dit, bah t'es au courant maintenant. Et quoi, donc ça a été en fait? Avec ma mère, oui. Ah, t'as raison, y a pas de suspense avec, dans son histoire. Non, mais, et avec d'autres personnes par contre, comment ça s'est passé? Genre ton père? Bah mon père, bah j'ai pas vraiment de contact avec lui, donc en soi, il s'en a un peu foutu. Oh, en fait, mon père il est gay aussi. Ça peut arriver. Non, mais mon frère l'est aussi, donc. Ah, c'est vrai? Pour... Ton ouais. frère? Mon demi-frère. Ah, ton demi-frère. Ah, ok. Il l'a aussi, mais pour lui, il a eu du mal à accepter. Oh, ok. Ah ouais, ça s'est moins bien passé pour lui que pour toi, c'est ça? Voilà, voilà. Bah, disons que moi, je voyais plus mon père à ce moment-là, tandis que mon demi-frère le voyait tout le temps. Et donc, ah oui, donc son père a pas trop accepté, c'est ça, la situation? Il a eu du mal, il voilait un peu la face. Maintenant, ça va déjà mieux. Généralement, c'est toujours les pères qui galèrent, hein, qui galèrent un peu. Donc... Pas toujours. Hein. Mais... Par contre, moi, je me demande, t'as été éduqué par beaucoup de femmes ou pas? Je vivais chez ma mère. Ouais. Nadia, il se demande ça parce attention, que c'est son cas. Attendez. Ouais, c'est ça. Parce que non, mais c'est vrai, genre, je me dis, c'est vrai que le trois quarts des personnes qui sont gays ou lesbiennes, gays tout court, Ben, ils traînent souvent avec le sexe opposé. Où t'as trouvé ces chiffres? Ah, c'est des statistiques, j'avais pas fait sur internet. Attends, les hétéros aussi, hein. Ouais, enfin, je veux dire, je pense pas qu'il faut spécialement avoir traîné plus avec un entourage féminin pour le devenir. Je pense que c'est pas. T'es sûr, t'as vu des vrais chiffres, toi? Je te jure, une fois, j'avais vu ça. T'as vu ça sur NordPress ou le Gorafi? Ah ouais, c'était ça, merde. Ah bah voilà. Sur Illuminati.com. C'est ça, exactement. Non, parce qu'il y a toutes les personnes qui sont en train de. Qui se disent, je suis levé par ma mère, il y a ma tante, il y a ma soeur. Ils vont être en mode, oh mon dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois. Regarde Eddie, le premier, tu vois, c'est le premier exemple, le pauvre. Ça va, Eddie, tout va bien? Mais moi, c'est pour ça que je me rapproche de plus en plus de Nigel, je crois. Ah bah voilà, bah, félicitations à vous deux. Et moi, c'est pour ça que je me rapproche de plus en plus du suicide. Nigel, il est toujours dans la bulle, le mec. Mais Mathieu, en tout cas, moi, je trouve ça super bien que t'aies fait le pas, que t'en aies parlé, maintenant que ta mère, que ça se passe super bien, et que tes potes aussi, l'entourage, ça s'est bien passé, tranquille. Bah, disons qu'à l'école, j'ai quand même eu des problèmes. Pourquoi? C'est vrai? Comment? Ouais, bah à l'école, c'est quand même l'endroit où on se fait plus harceler, tout le bazar. Est-ce qu'encore aujourd'hui, avec finalement maintenant on en parle de plus en plus, à l'école c'est encore un sujet qui peut créer des problèmes? Ouais. Mathieu va nous expliquer un peu comment ça s'est passé, ce qui lui est arrivé dans l'école. Bah à l'école, à ce moment-là, je ne sais pas encore à ce moment-là. Donc ouais, j'ai eu des moqueries, tout le bazar. Après, j'ai eu de la chance, c'est que j'avais une dans ma classe qui était lesbienne, donc ça n'a pas été fort, comme je l'ai déjà entendu pour certains. Bah, quand t'es seul un peu, et admettons t'es seul dans ta classe à être gay et que genre tout le monde le sait, bah c'est vrai que t'as toujours des gens comme ça qui viennent se moquer, alors que bon, voilà, c'est tellement démodé. Bah, ça sert à rien. Ouais, non, mais complètement. Parce qu'au final, c'est pas toi qui le prends, tu vois. Enfin. Bah ouais, mais tu sais, enfin, c'est triste, mais les minorités, de toute façon, quelle que soit la minorité, que tu sois homosexuel, que tu sois d'une autre origine, que tu sois le geek, en fait, c'est pour tout le monde, en fait. C'est pour tout le monde, mais c'est toujours, tu sais, la différence basée sur des différences. Ouais, je pense que la moquerie, ça porte ton caractère aussi. Oui, mais c'est aussi un manque d'expérience, c'est-à-dire que je pense que à l'école, on a l'impression un peu de tout savoir, on est ado et voilà, ça se passe. Dis ouais, moi je vais avoir une vie meilleure que tout le monde et ce qui arrive aux autres et à mes parents, ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Bon, après tu te rends compte que finalement tout le monde est on est dans le même bateau et qu'on se bat contre tout. Et que moi je pense que justement la vie des homosexuels ou des trans et des LGBT, c'est tellement difficile. Je pense que c'est quelque chose qui est en toi, que tu c'est pas un choix, c'est un truc qui est en toi et que tu subis d'une manière ou d'une autre. Cette vie, elle est tellement difficile. Il y a des gens qui regardent ça comme si c'était justement un choix en disant... Je bug parce que ça me prend cœur, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça, et dont des amis qui sont plus là aujourd'hui à cause de ça. Ah merde, putain. Oui, parce que c'est un sujet sérieux. Mais c'est tellement difficile que si c'était un choix, personne choisirait cette vie. Puisque on est moqué, on est... Mais je connais des gens encore maintenant, ils ont peut-être 24 ans, ils l'ont toujours pas dit, ils n'en parlent pas, ils n'en parlent ni à leur famille, ni à leurs amis, ni à leurs proches, à personne, et ils vivent avec ça au quotidien et tu vois, c'est triste. Et ils savent pas être eux-mêmes, et quand tu sais pas être toi-même, c'est difficile, t'as une pression extérieure et tout ça, quoi. Mais en fait, surtout moi je pense que tu nais dans un corps qui n'est pas le tien, je pense. Enfin, tu te sens pas. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Nigel? C'est pas un truc. Non, c'est vrai. Exactement. D'ailleurs, je rebondis vite sur une question de David qui me demande LGBT, c'est quoi? C'est lesbien, lesbienne, gay. Lesbienne, gay, trans et bi. Parfait, voilà. Bi et trans. LGBT, tout à fait. J'ai confondu. Et reste avec nous, parce que tu vas parler avec Quentin aussi. Quentin qui nous a rejoint, là, on avait perdu. Allô, Quentin, tu nous reçois? Bonsoir. Yo, Quentin est dans la maison. Ah, il est là, lui. Pourquoi tu rigoles, Nigel? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais lui, c'est cliché. Mais pourquoi c'est cliché? Bonsoir. Bah, il s'exprime comme il a envie. Hein. Non, mais rien à voir. Hein. Et toi, t'es pas un cliché, Nigel? Ouais, mais Nigel, c'est un cliché à lui tout seul, merci. Ouais, mais moi, je vous emmerde. Voilà, ouais, bah, rentre à ta maison. Ouais. Quentin, comment ça s'est passé, toi? Raconte-nous un petit peu dans ta vie. Est-ce que tu l'as dit, tu ne l'as pas dit? Explique-nous un peu. Moi, je l'ai dit, j'avais 13 ans et ma mère, elle était très ouverte à ça, donc c'est passé tout naturellement. Et mes parents, ils sont séparés, donc j'ai dû le redire à mon père. Et lui, il m'a dit comme quoi je vais me faire soigner et tout. Et, quoi? C'est dommage, c'est triste. C'est à 13 ans? C'est quelque chose qui choque et qui marque, hein. Bah, quand c'est quelqu'un qui t'est supposé avoir confiance et ce lien, une personne qui est supposée te protéger, t'aimer, quoi qu'il arrive, et qui te dit mais t'es malade, tu dois te faire soigner, c'est un coup de poignard, c'est horrible. Et alors, je sais qu'il y a plein de mecs, par exemple mon père, il m'a toujours balancé cette phrase genre ouais, la porte sera fermée le jour où tu, je sais que si t'es gay, si t'annonces que machin. Et moi je dis mais pourquoi tu, est-ce que tu pressens quelque chose quoi, est-ce que tu as l'impression que non mais je te le dis hein, je te préviens, etc. Parce que mon père effectivement une éducation tu sais à l'africaine qui date des années 30 ouais. Façon de parler, et donc du coup qui a ces principes de non mais l'homme c'est virilité, c'est Et c'est pas voilà. parce que t'es homosexuel que t'es pas viril. Hein. Exactement, c'est vrai, mais tu vois, c'est ce vieux cliché. Et ma mère qui disait toujours l'inverse, genre, ah, mais non, tu ramènes qui tu veux. Oh, elle est adorable. Tu ramènes une femme, un homme, les deux. M'en fous, la porte est ouverte. Et c'est super cool, tu vois. Donc, moi, ouais. du coup, je me suis toujours dit, bon, bah, c'est parce que je crois que normalement, tout garçon se pose la question à un moment donné dans sa vie, dans son parcours. Et les femmes aussi. Au moins, ils se le posent une fois la question. Genre, tiens, est-ce que je pourrais le devenir? Où est-ce que je le suis, que je ne le sais pas. Tiens. Mais moi je me suis posé la question, mais j'avais 12 ans, j'aimais bien les filles, j'adorais les filles. Je me suis dit bah non, je crois que j'aime. À un moment donné, je crois que n'importe quelle personne, si quelqu'un me dit non, jamais de la vie, j'ai pensé au fait que j'étais gay. Bah ça veut dire, tu sais, c'est des questions, tu peux te poser n'importe quelle question. Est-ce que j'aime le sport, est-ce que j'aime pas? Est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que je suis pas fait pour ça? Est-ce que je pourrais être gay? Est-ce qu'à un moment donné dans ma vie, est-ce que j'ai une attirance? C'est des questions qui te passent même pendant un moment donné dans ta tête, et je me suis posé la question, je me suis demandé tiens, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui pourrait t'arriver. Voilà, est-ce que ça peut m'arriver? Est-ce que je pourrais tout d'un coup me rendre compte, peut-être à 20 ans, bah tiens, je crois que je suis gay, etc. Arriver, hein. Et peut-être que tout d'un coup, je sais pas. Et j'ai connu un gars, c'est un truc de ouf. Il est, c'est un gars avec qui j'ai bossé. Pendant des années, il a vécu en couple, etc. Et un jour, il m'a dit, bah, je me suis aperçu à 45 ans que j'avais des sentiments pour les hommes, je me rendais pas compte avant. Et c'est comme si avant ça n'existait pas. C'est peut-être qu'il a eu une rencontre avec un homme. Et cette rencontre là a fait que. Il a aimé un homme. C'est probable, effectivement. Et Quentin, alors du coup, par la suite, comment est-ce que ça s'est passé avec ton père? Est-ce qu'il y a eu un arrangement ou jusqu'à aujourd'hui c'est toujours difficile? J'ai plus aucun contact avec. Oh, c'est triste, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est chaud ça. Non mais tu penses que c'est vraiment basé sur le fait que tu sois gay? Ben je pense, ouais. Ah là là, ouais, mais c'est tu sais Quentin, il faut pas que tu dois pas t'en vouloir déjà de base, c'est pas ta faute. Ça vraiment c'est un truc que tu dois te mettre en tête clairement. Malheureusement, t'as encore non, des non mais je le vis très bien, il y a pas de souci avec mais, ça. Mais hein. C'est bien. Est-ce que vous pensez qu'on est genre bi ou gay ou lesbienne? Ben est-ce que oui. Vous pensez que genre on le devient? Moi du coup, je préfère transformer la question. Quentin, à quel âge tu savais que t'étais homosexuel? À 13 ans. OK, et toi ton côté Mathieu, à quel âge? Moi, vers 13-14 ans aussi. Ah, pareil. Voilà, 13-14 ans. Bah, le début de la puberté, quoi. Eh ben, quelqu'un de ma famille, je ne dirai pas qui. Quelqu'un de ma famille, parce que la famille écoute et ils savent pas qui c'est, et il y en a qui ne seront pas d'accord. Sérieux? Et quelqu'un de ma famille, c'est depuis ses 11 ans qu'il le sait. Arrête. Et je l'avais capté aussi. Et j'arrêtais pas de lui dire, je fais, la première personne à qui tu dois l'annoncer, ça va être à moi. Il me dit, de quoi tu parles? Je fais, tu comprendras plus tard. Et plus tard, il est venu me l'annoncer, il m'a dit, je comprends la phrase que tu m'as dit. Et ça se voyait, en fait. Parce que quand il a commencé à prendre de l'âge au fur et à mesure, eh ben, on sortait et il n'était pas, ça se voyait que les filles ne l'intéressaient à aucun moment, mais à aucun. Voilà. Et par contre, il me disait, t'as vu le gars là-bas? Il me faisait, t'as vu le gars là-bas? C'est quelque chose qui le marquait davantage. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et c'est totalement. Tout, c'est... Et je trouvais ça super cool. Sauf que, voilà, disons, que son papa l'a pas trop accepté, donc j'espère que son papa écoute pas. Il faut accepter la nature telle qu'elle est. Après, bien sûr. Après, il y en a qui se cachent aussi. Hein. Ils sont, comment dire, ils sortent avec des filles pour dire genre. Oui, ça, j'en connais beaucoup. Ouais. Sérieux pour, ouais. Voilà. Tout genre un miroir, quoi. C'est je ça. Me demande que je suis hétéro, mais en moi, je me sens mal. Je préfère être un homme. Ah, c'est oui le cas pour moi. C'est vrai, c'est tellement large. T'as des personnes qui le vivent pas bien. Est tellement fort à ce niveau-là que ça. Il y en a certains, ça vient là, dont moi, ça a été comme ça. Non, mais je vous dis, franchement, ça, c'est un message à n'importe quelle personne qui est victime de ça, qui vit ça. Et après, on va sur le son de Little Mix avec Woman Like Me, là, avec Nicki Minaj. Mais il est important de s'accepter. Et ça vous permettra d'être vraiment vous-même. À partir du moment où vous jouez un rôle et que vous n'acceptez pas ce que vous êtes, vous n'allez pas être heureux. Vous n'allez jamais être heureux, toujours aigri. Il y aura toujours un truc, malheureusement, qui sera au fond de vous et qui fera que vous n'aurez jamais l'occasion de faire valoir votre véritable identité. Et de rayonner, d'être. On est bien d'accord. Toi-même. Little Mix, avec Woman Like Me. On arrive dans quelques instants. Ce sujet est super intéressant. On a pas mal de réactions qui arrivent, notamment Alexandra, là, qui a une super réaction à nous filer. Là, je vais la lire dans quelques instants ou la voir à l'antenne. Et n'hésitez pas à dire nous ce que vous en pensez, là, 0492 222 002. Little Mix, tout de suite. Hey, insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mom.

En fait, on ne sait pas trop. Mais si. Mais on sait qu'ils sont là. Mais attendez, on finit à minuit. Non, des couilles, c'est pas vrai. On finit pas à minuit. On finit toujours un peu plus tard. Mais aujourd'hui, Nigel, par contre, t'es en blocus. Ouais. On va respecter ça. Donc, Nigel, dès qu'on atteint minuit, si tu veux t'en aller, eh ben, la porte est là. Merci, je m'en irai. C'est vraiment pas cool, la porte est là. C'est vraiment la phrase. Non, t'inquiète, je partirai à minuit. Ouais. À minuit 30, allez. Mais je vous écouterai. Vive les différences que Pascal nous a envoyées. Eh ben, c'est très bien, là. Deux filles annoncent à leur père qu'elles sont lesbiennes. Désespoir, le fils sauve la situation. Papa, bonne nouvelle. Moi, j'aime la bite. Ah ouais. Ah là là, incroyable. Alexandra qui est connectée aussi là. Merci à toi pour ton message, Alexandra, qui fait partie des nouveaux. Elle nous envoie deux messages jusqu'à aujourd'hui là. Franchement, homo, hétéro, bi, le plus important, ce n'est pas que les personnes soient heureuses. Point d'interrogation, tout à fait. Si. Ethan, demain j'ai oral d'allemand. C'est la PLS. Ah, c'est la PLS, tu veux dire. Oh, eh ben, bon courage. Et un petit message de Jonathan avant d'avoir la suite de nos auditeurs ce soir dans Standard. Nigel, je vais te dire que non, pas du tout, parce que moi j'ai jamais eu de père, vu qu'il ne voulait pas de moi et qu'il a même carrément dit que je n'étais pas son fils. Donc voilà, j'ai toujours vécu avec ma mère et c'est pas pour autant que je suis gay, j'ai une fille et tout, je suis 100% hétéro. Donc non, ce truc là c'est absolument pas fondé quoi. Il se posait la question parce qu'il a Nigel été éduqué par beaucoup de femmes. Ouais, que des femmes quasiment. Bah, ça fait de toi une Amazone. Hein, ouais, j'aime. Je pensais que t'allais dire j'aime quelque chose, tu vois. Ça doit être chaud d'aborder ce genre de sujet avec un Nigel à côté. Mais quelle clète le mec, on nous envoie là. Mais t'as daronne la clète, oui. Alors Vince, je suis en train de voir par rapport à la génétique et en particulier pour les Neko Girls. C'est assez intéressant, je trouve. C'est quoi des Neko Girls? Galou, va falloir que tu nous expliques là en note vocale ou en message. Qu'est-ce que une Neko Girl? C'est important là. On remercie Quentin et Mathieu. Quentin et Mathieu, vous êtes toujours là, les gars? Oui. Ah super, parce qu'on a vraiment beaucoup de réactions. Vous avez lancé un gros sujet les amis. Mathieu qui lui a réussi à faire son coming out très facile avec sa mère. Et j'ai beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'avec la mère c'était facile, comme Quentin d'ailleurs. Mais c'est toujours le padre, le papa qui est un peu difficile et tout. Et on m'a posé la question, Vince, comment le prendrais-tu toi si ton fils un jour t'annonce qu'il est gay? Bah je dirais voilà, que grand bien te fasse hein, fais-toi plaisir, c'est ta life, point. Prends-la pour moi. Voilà, je dirais, il en restera un peu plus pour papa. Ah ouais, la petite blague. Voilà, non, franchement, moi je m'en fous, tant qu'il est heureux et voilà, cette société met suffisamment de pression et force tellement les gens à mettre des masques et ne pas assumer leur identité qu'à un moment donné, moi, si mon fils vient m'annoncer ça, je dis voilà, gars, que grand bien te fasse. En fait, je m'en fous, c'est pas ma life, c'est la tienne, tu vois. Je m'inquiète pour ton niveau d'études, je m'inquiète pour ta santé, je m'inquiète pour ton état mental, il y a pas de problème. Mais par contre, pour ton orientation. Pour tes choix personnels, fais-toi plaisir, quoi, tu vois. Ça, y a pas de problème. Ouais, hein. Et on nous dit quoi, là? Non, merci. Et encore quoi d'autre? Je rigole, Nigel, je t'aime, ma grosse. Attends, c'est un message avant. Ah, mais c'est pour ça que Nigel, il a une voix d'androgyne. Le mec, on sait pas si c'est une femelle ou un cum. Enculé de Nigel, va. Nigel avec deux LE, t'imagines. Nigel! Gros bisous, Quentin, et merci, Mathieu, quand vous voulez dans l'émission, les gars. Merci à vous, hein. Ouais, pas de souci. Bisous, bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée, le squad. Bisous, ciao, ciao. J'ai le plaisir d'accueillir. Alors, on a pas mal d'auditeurs qui veulent passer à l'antenne. Je vais d'abord prendre Jolan. Allô, Jolan. Jolan qui était déjà passé sur Énergie, il me semble. Enfin, je sais qu'on a plusieurs Jolan dans le WhatsApp. Ouais, je les ai passés. Et j'avais dit Jolan et tu m'as dit non, c'est Jolan. On est bien d'accord? Non, c'est Jolan. Ah, c'est Jolan. Jolan. Putain, merde. Mais quelle mémoire incroyable. Donc ton nom, c'est bien Jolan, on est d'accord, hein? Ouais. Et je me rappelle que tu m'avais déjà rectifié sur le truc en plus. Il y a un mois et demi, un truc dans le genre. Jolan, ouais. Alors mon pote, comment ça s'est passé? Raconte un petit peu là. Est-ce que toi, gay, pas gay? Enfin, ouais, pas gay, tu vois, pas gay, enfin bref. Non, tu rames. Voilà, je m'attendais à une blague de Lara quand j'ai dit pas gay. Je me suis dit, Mathieu, je l'ai eu d'ailleurs avec tu rames. Bon, bref. Hashtag Lilian. Et on va arrêter avec ces blagues de ouf. Ça là. Peut aller très loin. Jolan, vas-y, raconte-nous un peu là. Bon, moi, j'ai fait mon coming out à mon école et à l'internat. Ah ouais, okay. En public, d'accord, ouais. Bon, en fait, le truc, ça a été beaucoup. Et je l'ai passé à mes parents, mais ça, je le ferai après. C'était beaucoup plus facile à faire avec mes amis, vu que j'étais une amie lesbienne. Donc, elle comprenait déjà, et c'est donc voilà. Okay. Et après, le reste à suivre. Et tes parents, tu leur as dit aussi ou pas encore? Non, je leur ai pas dit, mais je sais qu'ils savent. Ok. Ah, il y a un peu, on n'en parle pas, quoi. Parfois, tu dois pas faire ton coming out. D'ailleurs, Laurent Ruquier a expliqué il y a pas longtemps qu'il a jamais fait son coming out auprès de ses parents, que en fait, ses parents le savaient depuis le départ et qu'ils ont jamais réellement. C'est normal, en fait. C'est là. Il venait avec ses copains, etc. C'est vrai. Pourquoi est-ce que tu devrais justifier d'être hétéro? Ah, au fait, papa, maman, je suis hétéro. Oui, bon. Non, comme ça, vous savez, je vous annonce que je suis hétéro. C'est. Ah, non, mais en fait, c'est comme si, c'est normal depuis le début. Voilà. On n'en parle pas parce que c'est comme ça. Ça lui appartient et puis voilà. Ouais, c'est vrai, effectivement. Ouais. Bah, comme un message que j'ai reçu, Vince, moi je l'ai annoncé à mes parents et ils m'ont regardé. On fait ouais, non, mais t'inquiète, on sait déjà, allez, finis ton assiette. Oh, c'est mignon, dis-le. Et ils lui ont balancé. C'est vraiment pour dire, y a pas de problème. Voilà, genre, ils ont dit, la phrase qui me tue, c'est finis ton assiette. Bah, voilà, allez. On va parler des vrais trucs, quoi. Allez, mange et ferme ta gueule. En tout cas, Jolan, je suis content que ça soit super bien passé pour toi, même à l'école. Parfois, ouais. C'est difficile d'annoncer ça en public et tout. Et voilà, y a pas eu de moquerie, rien, quoi. Bah si, il y a des moqueries, toujours des cons, mais sinon, voilà. Il y en a partout, même en radio. Après, il y a des amis aussi, donc voilà. Voilà. Ouais, ça compense. Exactement. Avec les gens qui sont ouverts. Et, oui, puis ceux qui parlent, on s'en fout. Quoi. Ceux qui sont ouverts, il y en a beaucoup. Jolan, bonne soirée, mon pote, à bientôt. Hein. Vince, tu peux faire un big up ? Mais bien sûr, cette émission, c'est la tienne, vas-y. On t'écoute. Ok, je voudrais faire un big up à Théo, il se reconnaîtra, et à Auré, si elle écoute. Merci. Gros bisous à Auré. Non, big up. Big up. À bientôt, ciao Jolan. Merci, au revoir. Bye bye mon pote, ciao. Par contre, moi, il y a un truc que je voudrais dire. Ouais. Vous savez, les gays, franchement, moi, il y a un truc qui me fascine de ouf. C'est quoi? C'est qu'ils ont toujours des meufs, des potes meufs trop jolies. Ouais, parce que comme il n'y a pas Anguille sous roche, la demoiselle se dit pas. Comment vous faites, wesh? Ouais, ou alors tu peux tricher, hein, tu vois. Ah, une réaction, s'il vous plaît, d'Eddie ce soir. Eddie. Pardon, ouais, mais vu que c'est ma seule réaction du soir, là, je me chauffe la voix. Vas-y, raconte-nous. J'avais un pote à moi qui était vraiment. Mais il était gay, mais. Toi, les gays qui montrent vraiment qu'ils sont gays à fond. Okay. Et c'était vraiment un super bon pote à moi et il me présentait que des meufs canons. Je traînais avec lui, mais que pour ça, parfois. Vraiment, parce qu'il me présentait, mais des meufs. J'allais au Bloody à l'époque où j'étais un grand sorteur encore et il me présentait, mais tout. À chaque fois que je sortais, il me présentait des meufs de ouf. Et c'était ses meilleurs amis, etc. Et donc, à un moment, les gens croyaient que moi-même j'étais gay parce que je traînais tout le temps avec lui. Et puis, j'ai dû leur expliquer que non, c'est parce qu'ils me présentaient des meufs, etc. Et que c'était aussi donc, un bon pote les, à moi. Donc, t'as pas pu les choper, en fait. Mais j'ai pas pu les choper parce qu'elles aussi croyaient que j'étais gay. Ah bah voilà. Et voilà. Mais je suis sûr qu'il y a des demoiselles, tu sais, qui feraient trop, genre, t'imagines, j'arrive à le faire changer d'orientation sexuelle pour moi, tu vois. C'est un espèce de fantasme, certainement. Tu penses qu'il y a des meufs qui femmes. Pensent ça ouais. Moi, j'ai des copines qui m'ont dit, ouais, grave, je voudrais trop transformer un gay en hétéro. Ouais, parce que tu dis, si craque pour moi, c'est vraiment que, voilà, je suis la bonne des bonnes. Voilà, je suis la plus bonne des bonnes de mes copines. Ouais, c'est très basique. Hein. Et alors, Vince, je suis toujours en ligne, c'est Quentin. J'ai une petite question, Rara. Est-ce qu'on pourrait être invité, moi et mon copain, dans votre studio, voir comment cela se passe? Ça pourrait être top. Bien sûr, d'ailleurs, on hésite à la faire pour l'émission de jeudi soir. Hein. Ah, on va voir. On réfléchit, voilà. Enfin, je réfléchis, devrais-je dire. Ouais, c'est vrai. Marc, il nous dit une pensée pour Elio. Ah ouais, d'accord, si tu veux. Vince, mon tel et mon réveil a été confisqué pendant un mois, du coup, un mois sans vous. C'était dur. Médéric qui envoyait ce message à l'instant même. Maintenant que j'ai fini mes examens, j'ai tout récupéré. Je peux enfin vous réécouter Énergie le soir. Eh ben, re-bienvenue à toi, mon pote. Ouais. Médéric est de retour dans la maison. Ouais. Oh mon fils, tu m'avais manqué. Allez, installe-toi, joue à la console. Mettez sa vatte. Et montre le son. Les amis, on a Alexiane qui est là. Allô, Alexiane. Oui, Alexiane est dans la maison. Alexiane, tu viens de quelle ville? De Liège. Liège est avec nous ce soir. La colle, c'est de l'eau. La colle, c'est de l'eau. La colle, c'est de l'eau. La colle, c'est de l'eau. La colle, c'est de l'eau. Avec modération. Avec modération. Pardon, je suis obligé de le faire pour le CSA. Alexiane, alors toi, tu es lesbienne. Ah, enfin une fille. Oui, c'est ça. Félicitations, que grand bien te fasse. Et en fait, il y a ta maman qui a une influence un peu là-dedans. Explique-nous un peu. Mais en fait, voilà, à l'âge de 14 ans, je suis sortie avec ma première copine qui était très masculine. Et donc, moi, je l'ai fait passer pour un garçon. Oh, dis donc. J'avais super peur de la réaction de mes parents. Et donc, finalement, quand mon père m'a capté avec de la rue, blavé comme ça, lui, il m'a directement dit, écoute, je sais que c'est une fille, ça se voit, écoute, ne t'inquiète pas, moi, je t'accepte comme tu es. C'est magnifique. Donc, super. Alors qu'il était italien, je crevais de peur de lui annoncer. Et là, ma mère l'a su par après. Et je lui disais, mais non, maman, c'est un garçon, c'est un garçon. Non, Gwen, c'est une fille. Maman, c'est un garçon, c'est un garçon. Et alors là, du coup, je lui ai annoncé. Et elle m'a dit, écoute, soit c'est elle, soit c'est moi. Oh non ! What ? Elle a fait le petit chantage. À la pression de bâtard. Aïe. Ça, c'est horrible. À 14 ans, choisir sa mère ou sa copine, que faire? Eh bien, moi, je partais avec ma copine. Ah, Sérieux? Bah t'as choisi, ouais, ouais. T'as choisi toi en fait. Bah, la personne qui ouais, que tu aimais. Ouais, voilà. Donc et je suis partie avec ma copine, mais ma mère est revenue très vite d'ailleurs et elle m'a dit écoute voilà c'est bon on va faire abstraction, t'es quand même ma fille, voilà j'ai envie que tu sois heureuse. Mais alors de là elle avait peur que je n'aille pas d'enfant, qu'elle soit pas grand-mère et. Ah mais c'est ça c'est la peur. C'est ça cette peur là. Hein. Sérieux? C'est cette peur là effectivement. Parce qu'elle va pas être grand-mère. Ouais. Bah oui, tu penses pas d'abord au bonheur de ta fille? Mais non, mais si, mais il y a beaucoup de parents, ils veulent que. En fait, ils veulent pas que la lignée s'arrête avec eux. Tu vois. Ok, ouais. C'est ça le truc. Alors, ils se disent, ah bah tiens, peut-être que, voilà, j'ai pas de sœur, il y a plus de parents et j'ai pas de frères et sœurs. Et t'es le dernier à avoir, entre guillemets, ce nom de famille-là, peut-être, ou en tout cas, c'est arbre de la branche. Mais de toute façon, quand t'es une meuf, logiquement, c'est pas toi qui donne le nom de famille. Mais moi, ça ferait plaisir, par exemple, d'avoir des descendants. Moi, je me dis, putain, si t'imagines, dans 100 ans, tu vois tes descendants et tout. Mais tu les verras pas. C'est hyper compliqué pour moi. Bien sûr. Mais donc voilà, maintenant elle a accepté tout roule quoi. De toute façon, elle avait pas le choix. Attention, ça veut pas dire, c'est pas parce que t'es lesbienne que t'auras pas d'enfant. Hein. Non, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est. C'est pas parce que t'es gay que t'auras pas d'enfant. Ouais, clairement, tu peux adopter. Hein. Il y a pas mal de choses maintenant. Oui, bah, au-delà de ça, enfin, je veux dire, tu peux faire mère porteuse, ça existe. Hein. Ça existe, les mecs enceintes. Même pas ici. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est autorisé. Hein. Non. C'était... La gestation pour autrui, je suis pas sûre que ce soit autorisé. Je crois que c'est par rapport à quelqu'un de la famille ou un truc dans le genre. Mais en Belgique, je sais pas. Faudrait tiens, c'est adresse en aide. Je vais pas faire des recherches. Ah non, ouais, c'est ce que je fais. Là. Je parle d'assimilation. Qu'une des deux femmes ait un enfant d'un donneur quelconque. Voilà, bien sûr. D'un ami. Ah ouais, souvent, si, en Belgique, tu peux. Hein. Oui, mais je pensais que c'était la gestation pour autrui dont tu parlais. Mais il y a souvent des couples de lesbiennes qui connaissent la grossesse avec un ami, quelqu'un de l'entourage qui accepte. C'est vrai? Oui, tout à fait. Genre, il accepte de Ken juste pour donner le bébé. Non, ça peut se faire sans Ken. Hein. Oui, voilà. Ah, sans Barbie aussi. On est en 2018. Hein. Voilà. Oh, ouais, c'est vrai. Alors, Vince, passe pas à l'antenne juste pour toi. Bah, pourquoi je devrais pas le passer à l'antenne? J'adore. Bah. Attends, je vais pas dire ton prénom. Il n'y a pas de problème, mais je vais lire le message. Parce que Vin, c'est trop chaud quand même d'être homo. J'ai trop du mal avec eux. Si mon frère ou mon fils le serait, je serais dégoûté. Bah, ça, je crois que c'est dû peut-être à ton éducation en partie, si tu vois. Ouais. Voilà. Dégoûté, ouais. Donc, tu peux passer mon nom. Hein. Non, je ne vais pas passer ton nom. Enfin, si tu veux, je le passe. Mais il faut être humble, hein, tu sais, face à la nature. Voilà, c'est-à-dire que je peux comprendre quand tu as vécu dans une éducation que tu dises ah, mais non, c'est pas normal. Et tu peux ressentir de la colère, tu peux ressentir, tu as le droit de ressentir. Ouais. Mais après, il faut aimer les gens. Être tolérant, voilà. Non je pars du principe c'est que ça, ouais. Je pars du principe que chacun normalement on est libre, on est tous nés libres et égaux, donc chacun est libre de suivre la voie qu'il désire. En tout cas, Alexandre, je te fais un gros bisou. Est-ce que maintenant tout roule bien, tout va bien? Gros bisous à vous, oui, tout roule nickel. Ce qui est génial dans son histoire, c'est qu'en fait, ça donne de l'espoir parce que sa maman, elle n'était pas d'accord au début, oui, et en fait, ça a changé. Il faut pas baisser les bras, il faut rester soi-même et essayer de parler le plus calmement possible. Voilà, il y a toujours de l'espoir. Et puis maintenant, c'est une mode, hein. Tout le monde est lesbienne, homo. Oh, je pense pas que ce soit une mode. Je pense que c'est plus les gens qui osent de plus en plus en parler, et donc c'est top. Mais c'est ça, tout le monde se montre et enfin voilà. On te fait un gros bisou, Alexia, en tout cas. Merci, Alexia. Au revoir, merci. Bisous, au revoir. Et on essaie de rejoindre Capucine, une auditrice qui, alors là, allait faire évoluer le sujet, un autre délire, parce que merci, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions ce soir. Et bien sûr, la conclusion de ce sujet, ça va être, si vous, au fond de vous, vous sentez que vous êtes homosexuel, gay, bi et tout ça, assumez-vous, n'ayez pas brisé les portes de cette société qui, parfois, vous dit de ne pas le faire, vous fait comprendre, non, tu dois être dans la norme, etc., ne pas sortir. Non. Brisez ces chaînes-là et vous sentirez heureux plutôt que vivre une vie qui n'est pas vous, en fait, tout simplement. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui n'assument pas qu'ils sont gays. Énormément. Il y en a peut-être qui sont en train de nous écouter en ce moment. Eh ben, sors du placard. Vas-y, fais ton coming out. Et Capucine allait faire évoluer le sujet à un autre level, les gars. Je ne sais pas si on peut la rappeler, l'avoir en ligne, parce qu'elle voulait nous parler de... Alors, attends, j'essaie de retrouver le terme qu'elle a utilisé. Est-ce que c'est Capucine qui voulait nous parler de... Dis-nous un peu. En fait, Capucine voulait nous parler de ça, de son panromantisme. Le panromantisme. Ah oui, je vois. Je ne connais pas le panromantisme. Ça a l'air d'être très intéressant, donc on va essayer de l'approfondir dans quelques instants. Toujours ce soir, prank de l'extrême, give me five. J'espère qu'on aura le temps. On va enchaîner vite. C'est tout de suite sur Énergie. Avant, c'est Léa Passy avec On prend des notes. On va passer le temps. Des notes. J'aime bien cette chanson. Coucou à Gwen. Vince, hyper timide, merci pour ton message. Malika aussi qui est connectée, bisous Malika. À mesure du temps, on attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort. S'arrêter un instant, enlever le gris des couleurs, des sentiments. Envie de parcourir la terre, à l'endroit puis à l'envers. Toucher du bout des doigts nos rêves tant qu'on peut le faire. Si on rêvait plus fort. Passage sans boussole, en dérapage, on survole. On prend les virages, on colle au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Des photos de nous qui dénotent, on les décolle. On prend des notes au vol. Des photos de nous qui dénotent, on les décolle. On perd la mesure du temps. On attend, on s'y part maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tournants. On cherche un passage sans boussole. En dérapage, on survole. On prend les virages, faut coller au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Des photos de nous qui dénotent, on les décolle. On prend des notes au vol. On cherche un passage sans boussole. En dérapage, on survole. On prend les virages, faut coller au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Des photos de nous qui dénotent, on les décolle. On prend des notes au vol. Des photos de nous qui dénotent, on les décolle. Alors on prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. Le soir, quand tu sais pas quoi faire. Dès 21h. C'est chelou. Il y a toujours quelqu'un pour te faire passer une soirée de ouf. Vince sur Énergie. 21h minuit, tous les soirs. Vince est sur Énergie. Mais bien sûr, tous les soirs, du lundi au vendredi jusqu'à minuit et plus si affinité là. Et gros bisous à David. David, ouh là là, il me fait du charme. Mais Vince, moi je suis gay et tu m'attires vraiment, Vince. Ah. Donc bon, j'ai répondu, il m'a dit, est-ce que tu crois qu'il y a moyen? Moi, je lui ai dit, grand, fou, va, miam. Il m'a fait bisous, babe. David, avec qui je fais du sport en plus, hein, c'est un auditeur que je croise au sport. Enfin, je croisais. Parce que maintenant il a abandonné le sport, le pauvre. Vin, j'ai oublié de faire un big up à mes collègues de Night and Day, Pauline et Manu. Message bien passé. Vin, je trouve que tout le monde doit se sentir bon avec son choix de vie, doit se sentir bien, exactement. Mec, à quand les pranks? Alors Ahmed, il y en a déjà eu et on va relancer. Il faut se connecter dès le début de l'émission, bien sûr, hein, de 21h jusqu'à la fin. Alors, tout sur les mers tourteuses en Belgique, ouais, donc visiblement ça existe, effectivement. Et sinon, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de pantasexuel. Alors, pantasexuel. Pansexuel. Moi, je vois pantasexuel qui m'a été envoyé. Mais non, c'est pansexuel. Alors, attends, je vais vérifier. Pansexuel. PAN, la pansexualité, ou l'omnisexualité, en fait, est donc une orientation sexuelle qui caractérise les individus qui peuvent être attirés sentimentalement parlant ou sexuellement par un individu de n'importe quel sexe ou genre. Et donc, du coup, avec Lara Orantène, ça nous a amené sur, et ça, on en parlera dans une autre émission. Qu'est-ce que le sexe et qu'est-ce que le genre? Qu'est-ce que le sexe, qu'est-ce que le genre? Alors, on a vu qu'effectivement, le sexe, c'est basé sur des caractéristiques biologiques. Donc, biologiquement parlant, tu as un pénis, physique. Tu es un homme, ah, physique, oui. Voilà, c'est biologique. Par contre, le genre, est plus déterminé par rapport à des rôles, une identité liée à la société. On est d'accord. Donc, être un homme, avoir une personnalité d'homme, c'est ça. Tu peux, voilà, est-ce donc que tu, c'est ça. Tu peux être physiquement un homme, avoir une personnalité de femme, mais parce qu'on la considère comme une personnalité de femme par rapport à notre société. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est le genre. On comprend, oui. Ce qui ne veut pas forcément dire que la personne est homosexuelle. Ou est une femme. Ou est une femme. C'est... les histoires c'est de sexe chaud. Et de genre. Je vous jure, on va faire une émission spéciale et on va voir si on peut pas inviter vraiment des professionnels là-dedans parce que c'est intéressant. Ouais. Étant donné que genre c'est quelque chose qui date en fait réellement des début 2000 hein, le fait de parler et de briser les tabous du sexe et du genre, c'est vraiment assez récent. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, il y a des reportages extraordinaires sur YouTube, ouais, sur la transsexualité, notamment des enfants qui sont suivis, qui parlent, c'est plein d'émotions, c'est extraordinaire, c'est regardez très fort. Ça. Et Marcel qui nous dit bonsoir Vince, j'ai 73 ans. Merci pour ton message Marcel. Ça fait plaisir de savoir qu'on est écouté vraiment par tout le monde là. Et il me dit, et mon mari a 65. On est les premiers mariés gays à Liège en 1973. Wow. J'ai quitté mon ex-femme en 64. J'ai deux enfants, un garçon de 47 ans et une fille de 42 ans. Ils nous ont reniés tous les deux et mon fils ne veut plus qu'on voit notre petit-fils de 8 ans. C'est incroyable, c'est-à-dire que là c'est les fins inverses. Ce n'est pas que les parents, c'est les enfants qui l'ont pas bien pris. Ils ont dû souffrir de la séparation, etc. Peut-être. Ils n'arrivent pas, ouais. Peut-être les moqueries, tout ça fait que bien ça crée un traumatisme. En 73, enfin, c'est des pionniers. C'est tellement dommage parce que, allez, t'as 73 ans et il y a ton petit-fils. J'imagine que ça te fait super mal. Si jamais, Marcel, tu veux qu'on t'aide, on peut essayer de nouer un dialogue, d'essayer de faire quelque chose avec l'émission de radio. Pas forcément la radio, ça peut se passer sur le terrain. On fait plein de trucs sur le terrain. Oui. Qu'on parle pas vraiment, mais pas vraiment. Il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est quand on fait des shows sur le terrain, j'aime pas trop en parler. Voilà, on le fait. Point. Ça me gêne un peu toujours dire ouais, on a fait ça. Je sais pas, je trouve ça gênant de. D'utiliser, je sais pas, la tristesse pour voilà, surtout c'est bref, soit. Donc du coup, si jamais tu veux qu'on fasse un petit truc plus en privé, eh ben Marcel, c'est avec plaisir et merci pour ton message, c'est vraiment cool. Et pour Marcel, merci. On a Aurore qui est là. Coucou Aurore. Aurore est dans la maison. Rapidement, Nigel, je me renseigne le prank de l'extrême que j'annonce depuis 21h. Ouais, il va arriver, ouais. Ah, formidable, génial. Je suis en train de le préparer, là. Ah, super. Et, okay. Excellent. On va se faire ça dans quelques instants. Excellent. Super. Bonsoir. Aurore, comment ça se passe, la life? Ça se passe très, très bien. Ah, bah, formidable. Tu viens de quelle ville, dis-moi? Bruxelles. Ah, Bixville, là. Bruxelles V. Ouais, non, répète. Bruxelles V. Voilà, encore. Bruxelles V. Voilà, tous les jours, je roule un. Pourquoi? Parce que je roule pas de plis, donc voilà. Mais tu peux rouler dans la rue? Ah, c'est vrai, effectivement. Aurore, oulala, elle passe à l'antenne ce soir parce que, mesdames et messieurs. Aurore, tu cherches l'amour. Exactement. Eh bien, je suis là. Salut. Tu cherches un homme, une femme, un homme de sexe, un homme de genre, une femme de sexe, une femme de genre. Explique-nous un peu. Un homme en général. Un homme en général. Très bien. Tu veux quoi en général? Alors, tu viens de Bruxelles, tu as quel âge, Aurore? 19 ans. Est-ce que tu as essayé les méthodes Tinder et tout un peu pour trouver un cum? Ah oui, ça je connais. Ouais, sur Tinder, c'est souvent lié au sexe, on est d'accord? Ah oui, les descriptions, je veux du sérieux, Non, mais sérieux? La description, je veux du sérieux, c'est toujours c'est la trappe-nigo. Ah bon, c'est vrai ça? Bah bien sûr, je veux du sérieux parce qu'ils savent ce qui fonctionne avec les demoiselles en quête d'amour, c'est du sérieux. Ouais, et même les demoiselles veulent aller droit au but, hein. Ah, c'est rare, hein, attends. Non, pas sur Tinder. Sur Tinder, le truc, c'est que tu dois pas, un mec ne doit pas être rentre-dedans. S'il rentre-dedans, même avec une meuf qui veut. C'est toujours très ambigu. Et puis, c'est toujours ce moment de se rencontrer d'abord. Mais en tout cas, on n'est pas dans ce domaine-là ce soir, ni dans ce discours-là. Puisqu'Aurore, tu cherches quelque chose de sérieux. Toi, alors, c'était quand ton dernier couple? C'était en avril. Oh, il n'y a pas trop longtemps. Ouais, ça va. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré de mars à avril. Ah, d'accord, ça a duré un petit mois. C'est important quand même. Alors, un coup de bite et on repart. Ah, raconte-nous, comment ça se passe dans la life? T'as envie de rencontrer un mec genre comment? Qui vit à BX, qui travaille? Explique-nous un peu. La tranche d'âge, c'est entre 19 et 25, 26. Ok. Je vise large, quoi, parce qu'il faut pas être focus sur un âge. 19-25, c'est précis, hein, ça va. C'est pas de ouf. Pas trop large, quoi, ça va. Ça va. C'est un mec plus âgé, donc je sais juste à quoi ça ressemble, quoi. Oui, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Attends, c'est intéressant, t'as dit, je sais à quoi ça ressemble un mec plus âgé, c'est ça que t'as dit? Mais oui, non, mais dans le sens, plus de maturité, ça se passe en général. Oh, ma chérie, si je peux me permettre, je connais des mecs, ils ont 32 ans, ils vivent encore chez leurs parents, et ils sont toujours. Ça n'a rien à voir avec la mentalité. Et je te jure, ce sont des gamins de ouf. Sérieux? Oui, non, mais gamin, mais quand je te dis gamin, c'est je connais des mecs. Attends, je crois qu'un mec, il faut le dire, nous les gars, on reste quand même des gamins dans toute notre life. Hein. Moi, à 32 ans, je m'estime totalement pas mature. Hein. Totalement ouais, immature, devrais-je dire même. C'est vrai. Donc te base pas là-dessus. Tu peux tomber sur un mec qui a 35 ans, c'est un gosse, hein, tu vois, je te jure. Enfin bon, je parle au nom des hommes. Donc tu cherches, voilà, tu cherches en tout cas ce qui est sur un gars. Alors, il y a déjà plein de messages qui arrivent pour toi. Si vous voulez faire connaissance avec Aurore, les amis à l'antenne, eh ben, il suffit d'écrire Aurore maintenant sur le numéro WhatsApp 0492 222 002. Et décrivez-vous un petit peu, comme ça on peut transmettre les infos. Exactement. Aurore, peut-être que tu trouveras l'amour. Nous, en tout cas, si jamais ça matche bien avec quelqu'un, on te file les coordonnées, après tu vous parlez et vous voyez ce qui se passe, quoi, ça va? Oui, en général, je suis quand même très sociable, donc en général, ça se passe bien, quoi. Ah, putain, bah... En général, ça se passe bien. C'est le en général qui t'a... D'habitude, je l'ai tué. Elle a dit, en général, je suis très sociable, voilà. Donc ça se passe bien. Mais la plupart du temps, je les assassine pendant leur sommeil. Non, je suis très, très gentille comme fille, mais on aime bien manipuler. Pas toujours simple. Ouais, fallait pas dire ça maintenant. Ça fallait pas le dire, là. Attends, tous les charros vont débarquer. J'ai pas compris. On aime bien te manipuler, c'est ça que t'as dit? Ouais, ça, on profite du fait que je sois gentille. Mais non, ne dis pas ça, sinon on va sauter dessus encore plus. Ouais. Non, mais peut-être qu'elle aime ça. Peut-être qu'elle va trouver quelqu'un qui est gentil et voilà. Tu sais, il faut pas devenir méchante parce que tu es gentille et que des gens ont profité de ta gentillesse. Trouver quelqu'un de gentil qui apprécie ta gentillesse. Les personnes qui nous écoutent et qui disent ah non mais moi je vais changer parce que ces mecs ils m'ont nana, j'étais trop gentil avant, maintenant je vais devenir méchant. Non, vous changez ce que vous êtes, ne changez pas ce que vous êtes. Non. Sinon ça va être pire. Vous allez attirer des personnes malfaisantes là derrière. De partenaire. On est d'accord. Et peut-être que ce soir, Aurore ira au paradis. Au fun mic, Benjamin Ingrosso, ça s'appelle Paradise. Bienvenue sur Energy. On les amis, on a une minute avant de se faire un petit son là tranquille là ce soir sur Energy là avant d'être coupé par la pub de manière violente. Vince est dans la maison. Aurore qu'on récupère. Aurore, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ma chérie, il y a beaucoup de demandes pour toi ce soir. Il y en a tellement que du coup, il va nous falloir à mon avis une bonne journée de préparation pour gérer tout ça. Ouais. Donc est-ce que c'est bon pour toi de repasser demain soir dans l'émission? Oui, pas de soucis. Formidable, le temps d'accueillir les personnes qui voulaient discuter avec toi tranquillou là. Donc je te fais un gros bisou et on se dit à demain.

bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Énergie le soir. Oh my god! Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Ah, mais jusqu'à quelle heure ça? Va falloir prolonger ce soir. Hein. Bienvenue à vous sur Énergie. Et merci, Johan, pour son long message là, qu'il m'a envoyé. Hey Vince, j'ai une amie transsexuelle qui donne des conférences sur le genre et compagnie. Elle viendrait avec plaisir si vous en faites une émission spéciale. Elle a aussi écrit un livre, Je suis transsexuel et j'en fais pas une maladie. Top. Il faut savoir que c'est encore reconnu comme une maladie mentale pour l'OMS. Oh. Ah bon? L'Organisation Mondiale de la Santé, super réputée. Ils estiment que c'est encore une maladie mentale. Bah dis donc, bah, il va falloir changer ça, qu'est-ce qui se passe là? Si ça t'intéresse, son mail, eh ben, on va grave noter ça et on va en faire une émission dès 2019, dès le début. Quoi. 2019, c'est dans pas longtemps en fait. Ça, c'est génial, ouais. Quand il pense 2019, c'est dans 13 jours. Hein. Ouais, tout à fait. 14 jours, ça allez. Ça fait plaisir. On n'y pense pas, hein, mais c'est peut-être dans pas longtemps, effectivement. On y est. Salut Vince, je kiffe ce que vous faites. Merci pour ce gentil message. Premier message qu'on reçoit de toi d'ailleurs. Numéro qui termine par 6918, là. Comme ça, tu te reconnais. Vince, j'étais censé venir à Bruxelles, mais j'avais examen. Bah, t'inquiète, une prochaine fois, mon pote. Hein. David, il me demande est-ce qu'il y a des trans sur Liège. Bah oui, sûrement. Hein. Dans toutes les villes, partout, t'inquiète. Mais il transpire partout. Hein. Voilà. Merci. Il y a les transports. Ah, purée, d'où vient cette musique là? Ben voilà, de Liège. N'importe quoi là, un petit message, une petite note vocale qui est arrivée là, ça dit quoi? Oh, j'étais un fou quoi, quelle émission sur ça? On va commencer à plus vous écouter là, tu ailleurs, bonne décembre. Ah, bah, il fallait bien que je passe le message d'une personne malheureusement qui n'est pas tolérante. Ismo, tu sais, c'est très triste hein, parce que. Mais au pire, tu nous écoutes plus, on s'en bat. J'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire. Bah, n'écoute plus, tu vois, si t'es intolérant comme ça, si t'aimes pas, et que tu dis, ouais, vous avez parlé de ça, etc. Et surtout qu'il n'y a rien du ZML à ce qu'on dit, puisque c'est pas nous. Nous, on écoute juste les gens qui parlent. C'est pas un problème d'être. Ouais, non, mais on écoute juste les gens qui parlent, donc je vois pas le problème. Quoi. Bref. Ismo, voilà. Bref. Bisous, t'aimes pas, tu zappes, frère. C'est tout. Qu'est-ce que je te dise voilà. Pas de problème, on bat les couilles, franchement, d'une puissance. C'est quand même fou, hein. Ouais, bah, c'est pas grave, voilà. Tu manques d'humilité face à la nature. Ouais, bah, tu peux être d'un avis différent, mais deviens pas insultant, tu vois. Oui, t'es pas d'accord avec ça, et ben moi je comprends que quelqu'un soit pas d'accord avec ça. Dans ma famille, j'ai des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais c'est pas pour ça qu'ils insultent, tu vois. Ben, lui, il m'a insulté, mais ben, pourquoi t'insultes? Je comprends pas. Non, tu peux insulter tout, hein. Ça devient une preuve de faiblesse, tu vois. Genre, t'en débats pas, c'est genre, ah, parlez pas de ça, hop, tu fermes le truc, bande de ZML, mais wesh. Mais surtout que t'aimes bien notre émission et on parle une fois de ça et tu nous insultes, c'est un ouf, lui. Gars, mais c'est ça qui est dingue. Ça fait partie de la vie, hein. Voilà, c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage, Ismo. Tu mettais des chouettes trucs avant, franchement, des chouettes messages, des chouettes notes vocales et ouais, tout. Mais Ismo, il se moque, hein. Voilà, et il se moque, putain. Non, franchement, le mec, il a réagi, il a écrit plein de trucs et tout, et puis là, tout d'un coup, voilà. Voilà, il a. Pas content. Il est pas content. Il y a un truc qu'il a pas aimé dans l'émission et ça y est. Voilà. Trop tolérant. It's no good. Voilà. It's no good. Bon, on fait un bisou à Damien. Là. Qu'est-ce qu'il dit, Damien? C'est ça, quoi. Il faut être tolérant. D'ailleurs, il suffit d'imaginer Lara avec un gros manche et moi, je trouve ça magnifique. Elle m'excite. Jonathan, qu'est-ce qu'il nous dit, Jonathan? Nardienne, si ça ne te plaît pas, ben franchement, tu traces ton chemin. T'écoutes pas la radio, c'est tout. Le sujet là, il est bon. Il est bon pour tout le monde et pour ceux qui se font rejeter, c'est tout. Ah oui. Chacun est comme il est. Si toi t'es pas comme ça et que t'aimes pas, ben trace ton chemin. Ah, Jonathan, il est vénère aussi. Hein. Non, mais chill. Hein. De toute façon, un auditeur de perdu dit de retrouver quelqu'un, me dit Galou. Non, mais je crois pas qu'on va perdre Ismo comme ça. Mais moi, ça m'intéresserait de discuter avec Ismo dans une prochaine émission pour comprendre. Voilà, tu peux ne pas aimer, mais respecte les gens qui le font. Point. C'est pas qui tes oignons. Sont, c'est ça, qui le sont. Merci. Bon, par contre, j'ai le plaisir d'accueillir Julie dans le standard avant de se lancer en Guimau 5 et d'avoir Vincent que j'ai perdu malheureusement. Allô, Julie. Oui, allô. Il y a Julie dans la maison. Sur Énergie. Julie, elle arrive en mode Julie Touriste, agence Touriste, là, Julie. Julie Touriste. Comment ça va, Julie? Ça va bien et toi? Mais ça va formidablement bien, Julie. Julie, c'est une très bonne nouvelle que tu vas nous annoncer parce qu'en fait, en gros, bah, maintenant, ça dépendra un petit peu. On a James qui nous envoie un message. Il a plus de caisse, il vient de se cracher là. C'est arrivé il y a quelques minutes, tout de suite, on a une des réactions positives. James, il a besoin d'une caisse rapidement entre 2000 et 3000 euros parce que sinon, il s'est pas taffé, etc. Et sa voiture est sinistre totale. Hein. Regardez, je vous montre. Voilà dans quel état sa voiture. Hein. Oh my god. Et heureusement, il va bien. Oh la dinguerie. Heureusement, lui, il va bien. C'est le plus important de toute façon. Mais son écran de téléphone, il est cassé. Alors, son écran de téléphone est pété, grave, le pauvre. Alors, Julie, est-ce que tu as une caisse par hasard disponible pour Jem, là? Oui, j'ai une Volkswagen Fox. Et je connais pas la Volkswagen Fox. Attends, j'ai Google ça. C'est un peu plus grand qu'une Polo. Une Fox? Ah oui, entre une Polo et une Golf, je crois. Ah ouais, effectivement. Et tu la vends combien? 1500. Ah, 1500, super. Combien de kilomètres? 137 000. Non, ça va, 137. Ça va, non, si, ça va. 1500, 137 000. 1500 euros, oui, voilà. Oui, voilà, mais il faut le dire. 2007. D'accord. Ah oui. Eh ben, oui. Attends, est-ce que c'est une diesel? Non, une essence. Ah, toi, ça va. Gilet jaune. Gilet jaune. De 2007 et que c'est une diesel, ça doit être une Euro 4, ça veut dire fin 2021, c'est mort. Ouais, non, si c'est diesel, c'est mort, effectivement. En 2007, c'est mort. Thibaut, il est grave intéressé. Mais ouais, Thibaut, il s'est réveillé, genre, oui, moi. Alors, non, mais c'est James qui passe en premier. Donc, James, mon pote, je pense qu'on a tête à caisse. 1500, c'est en dessous du budget que t'as demandé. Donc, si c'est bon pour toi, envoie-nous une note vocale. Il sait pas nous parler au téléphone parce qu'il est au boulot. Il est au taf, là, jusqu'à 2h du matin. C'est bon, ça. Il a dit, ouais, donnez mon numéro de téléphone, s'il vous plaît. Il y a un autre acheteur sur le coup, hein. Ah, tu proposes combien, toi, Thibaut? 3000. Oh, quel bâtard. Ouais, c'est pas vrai. Mais quel il est con, lui. Il aurait juste dû dire 1501 euros. Julie, on va te passer tout de suite, James. On va te passer son numéro de téléphone et comme ça, il va t'appeler et vous allez vous appeler et vous allez pouvoir vous arranger. Et merci en tout cas, c'est super cool. Ok, bah, ça va, on fait comme ça. Formidable. Gros bisous, bonne soirée, merci. Hein. Allez, bonne soirée, salut. Allez, à bientôt, ciao, ciao, au revoir. Allez, Vincent est avec nous, coucou Vincent, il y a du monde, hein, incroyable. Et je suis où là? Bah, t'es dans la maison. Sur Énergie. Ça va, Vincent, tu viens d'où? Ça fait plaisir, bah, je suis X, frère. Ah mais ok. Attention Vincent, on va se mettre en mode prank de l'extrême ce soir. Et il faut préciser un truc, c'est que ce soir on va faire une blague à un pote à toi. Oui. Il s'appelle Félix. Comment? Félix. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire comme blague ce soir dans le prank de l'extrême? Eh bien, je vais lui dire que je me suis fait choper par les flics et que j'avais dû balancer le nom de quelqu'un qui m'avait revendu de la beuh, donc de mon grossiste, quoi. Et que les flics vont débarquer chez lui, quoi. Eh ben, formidable. Ça me... Le genre de truc qui peut mettre la pression à cette heure-ci. Eh ben, tu sais quoi, on lance ça juste après. Migos. Avec Steerfly sur Énergie. Ne bouge pas, Vincent, reste avec nous. Et on remercie aussi Loïc et Raph, là, qui sont dans le standard. Ils attendent aussi pour le Game of Five. C'est tout de suite. Hey. Et en parlant de Migos, vous avez vu Offset là, ce qu'il a fait à Cardi B? Oui, c'était magnifique. C'est beau. Hein. Ils sont sortis, ils étaient Offset, le membre du groupe Migos là, et il était en couple avec Cardi B, c'était fini. C'est pas un mec tout seul, Migos? C'était. C'est long. J'ai cru quand ils ont commencé. Sérieux? Tout au début. Ouais, ah, putain. Voilà, vraiment, mais j'ai cru quoi, quelques mois, c'est tout. Voilà, pas 5 ans comme Rof. Et il est monté sur la scène de Cardi B, genre, est-ce que tu veux retourner avec moi? Ouais. Grosse honte devant tout le monde. Avec des fleurs et tout. Ouais. Allez, c'est parti, Migos, Tear Fly. Like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry. I'll take a whip it intermission, let the birds fly. I get money, turn no vision through my third eye. Money, y'all that skillet, watch me flip it like it's five guys. Black and white pilgrim, check out the ceiling, look at the blue sky. I take a jet, check, yeah, boogies they sit on my neck. I don't regret shit, yeah, I'm petting, I don't got a debt. You crawl for you raw, you can ball every week. All my dogs on the wall, we gon' ball when you free. Stop watching me, democracy, you wanna copy me. Watch, life's monopoly, go copy some land and some property. AP, Rose, pink diamonds, wool. Whip up the soda, diamonds off the Rolls. Keep watching me, whip up steel. Like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, curry chicken, call it stir fry, take off from the bird, keep or let the birds fly, why you a dead guy. Of course I gotta keep a watch out through my bird eye. No casket drop dead fresh and I got dead guys. Don't discriminate, ball players coming all sides. Finger roll, post move, or the pick and roll. They made the way we win that thing, we use a cheat code. Why'd you keep looking at me? I feel like niggas got static. It must be the paddock. Pocket blue cheese, I'm in the kitchen. In the kitchen, wrist twisting like it's stir fry. Whip it in the kitchen, wrist twisting like it's stir fry. Whip it in the kitchen, wrist twisting like it's stir fry. Whip it in the kitchen, wrist twisting like it's stir fry. Whip it. Keep watching me when Bob still be real. Like it's stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like it's stir fry. Whip it in the kitchen, wrist twisting like it's stir fry. Whip it in the kitchen, wrist twisting like it's stir fry. Roof. Le soir, dès 21h, dès 21h. She say, do you love me? I tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Welcome! Yeah! Sur Énergie. SM! C'est quoi une couesse? Vince, c'est justement ce que j'ai fait. Mais c'est justement ce que tu as fait quoi, Clément? Explique-nous, dis-nous, Clément, de quoi il en retourne. Salut Vince, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton message. Je vais très bien, merci mon pote. Ah cool, on m'envoie les photos de la voiture, là, disponible pour notre pote. Et Younes qui m'a envoyé un message aussi, que je lirai tout à l'heure, là, sur Énergie. Bon, Ismo, il nous a répondu, hein. Vous savez, Ismo, là, il a dit, il nous a envoyé ce message-là, là, quand on parlait des homosexuels. Ouais, j'étais un fou, quoi. Quelle émission sur ça, on va commencer à plus vous écouter là, tu voilà, donc il nous a dit ça. Alors nous du coup on a réagi en trouvant que c'était complètement irresponsable et pas placé. Et puis après il nous a dit: ah mais non, désolé que vous l'avez mal pris, mais c'est parce que j'ai une sale enroule avec mon petit cousin, une enroule bizarre avec un homosexuel. Depuis quand j'entends des trucs comme ça, je sais pas, ça me... Ah, déjà ça change. Voilà quoi. Voilà, donc parce que t'as vécu une expérience. Mais il aurait dû dire, expliquer. Imagine bah regarde, je vais donner un bête exemple. Il y a eu un enroule avec un homosexuel, je connais même pas l'histoire. Mais attends, tu t'appelles Ismo. Comment tu réagirais sur quelqu'un qui dit à l'antenne: ah, j'ai une enroule avec un arabe, tous les arabes c'est la même chose, parlez pas des arabes à l'antenne. C'est la même chose, c'est le même délire. C'est la discrimination, c'est tout. Et donc du coup, faut à un moment donné arrêter et un peu tout se prendre dans la main façon Michael Jackson et We are the world, we are the children. Je suis un bisounours. On a prouvé que c'était pas vrai. Oh la famille, comment ça va? Django. Mais vous avez mis les fidèles, les anciens auditeurs dans les oubliettes. C'est pas du bien. Tout. C'est pas vrai. On veut aussi vous entendre lire nos messages. Ben voilà. D'accord. Merci, Vince. Vince est dans la maison. Sur Énergie. Ouais, je suis toujours là. Merci Django pour ton message. Il a l'air dépité. Non, mais tu sais, il parlait au ralenti, il nous écoute en même temps. Ouais, Vincent, est-ce que t'es prêt pour le prank de l'extrême? Yay. C'est parti. Vincent, ce qu'il va faire ce soir, c'est qu'il va téléphoner à un de ses potes, il va faire croire qu'il a balancé son nom là pour une histoire de drogue à la police. En gros, qu'il a balancé quelqu'un qui n'a rien fait, tout simplement. Et que la police risque de débarquer chez lui. C'est bien ça, hein, Vincent? C'est parti. C'est ça. On l'appelle, c'est parti. Let's go. Coupe de micro, on y va. Allez. Allô? Yo, bro? Ouais, c'est qui? Félix. Allô? Félix, ah. C'est Vincent. Qu'est-ce que, pourquoi tu m'appelles cette heure-ci en masqué en plus? Qu'est-ce qu'il y a? Mec, j'ai un problème. Je suis pas bien. Dis-moi, cet après-midi, je me suis fait choper avec pas mal de sup, tu vois. Et quoi? Du coup, Laisse-moi finir. Je me suis fait choper avec pas mal de sup et tout. Enfin, genre les flics ont fait un contrôle d'identité et tout, mais ils ont senti que j'étais pas trop clean. Du coup, ils m'ont fait une petite fouille, tu vois. Et ils m'ont chopé avec des produits. Du coup, ils m'ont emmené au poste et tout. Et genre, ils m'ont dit que genre je devais balancer le gars qui me vendait ça, sinon ils allaient choper mes parents et tout, tu vois. Enfin, ils allaient appeler ma famille, machin et tout. Et du coup, Mais qu'est-ce qui t'a pris? Bref, et t'es où là maintenant? Bah là ils m'ont laissé sortir pour ce soir, tu vois, mais parce que au début je voulais pas trop leur dire et tout, et au final bah pour pas balancer le gars qui m'a vendu ça, j'ai dit que c'était toi, enfin genre j'ai donné ton nom et voilà quoi, et apparemment genre ils t'ont retrouvé tout dans le logiciel et ils vont débarquer chez toi, mais il faut que tu partes chez toi. Non, c'est quoi, tu rigoles avec moi ou comment, pourquoi tu... Qu'est-ce que j'ai à foutre de là-dedans, moi? J'ai l'impression de rire ou quoi? Non mais vraiment, genre, barre-toi de chez toi, genre, écoute, non, arrête tes conneries, pourquoi tu balances mon nom? T'es fou ou quoi? Bah, parce qu'on est potes, tu vois, genre, on a dit qu'on... Comment ça, on est potes, tu te fais choper avec des stupes et tu me dis, moi, on n'est pas potes? Comment ça, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah non, mais mec, je savais pas quoi dire. Enfin, mais comment pas, ça fait quoi? Ferme ta gueule. J'avais pas parlé. Oh là là, il a raccroché, il a coupé. Oulala, attends, on est là. On est là, je m'attendais pas à ce qu'il coupe comme ça tout de suite, là, d'un coup, là. Oh mon dieu. Alors, est-ce qu'il y a cru, il a pas cru? Vous en pensez quoi, Thibaut, il dit? Il y a cru ou pas? Moi, je dirais moitié-moitié, je crois qu'il doute. Ah, moi je pense qu'il a cru. Bah évidemment. Mais il a cru. Moi je crois qu'il a cru parce qu'il a eu le seum quand même à la fin. Tu vois, il a raccroché direct, il a dit ouais, tu fous ma gueule, tout ça. Ouais, on est bien d'accord. Ah, c'est chaud. Ah putain, incroyable. Alors. Ouhou. C'est génial. J'adore. Tombé dans le panneau. Ah, j'adore. Maintenant par contre, comment on rappelle. Comment est-ce qu'on va, ouais. On rappelle. Attention. C'est parti. Quelle sonnerie bizarre. Vas-y, Vincent. Fais tout péter. Pourquoi tu rappelles encore? Allô, Fifi, mais c'est toujours, je déconne pas. Genre, vas-y, Toi, en fait, tu veux que je t'encule, en fait. Donc, toi, tu vas me balancer mon nom, les flics, ils vont me débarquer chez moi, et je vais rester comme ça avec mes potes. T'es con, quoi? Pourquoi tu me mets dans la merde? J'ai pas ce problème comme ça, là. Comment ça, partout? Je vais t'enculer, c'est moi qui vais te barrer. T'es fou, quoi? Faut que tu sais, moi, attends, écoute, je me barre de chez moi parce que t'as fait des conneries et maintenant tu remets ça sur mon dos. Tu veux que je te tue ou quoi? Genre, viens sur moi au moins pour ce soir. C'est con. Non, mais quand ils vont venir, je vais leur dire que c'est toi. Hein. T'es fou, quoi. Mais moi, ils m'ont déjà chopé. Ils vont te rechoper une deuxième fois ou c'est moi, je vais te choper, je vais leur expliquer, puis je vais t'attraper, tu vas finir dans mon coffre, je vais te jeter dans le canal, mec. Oh, mais j'ai déjà rendez-vous, moi je m'en fous, c'est pour toi. Non, tu seras déjà mort, mec. Pourquoi t'es fou, quoi? Tu te fais attraper, tu balances tes potes comme ça, or j'en ai rien à voir, or que j'ai rien à voir dedans. Mais t'es con, quoi, Vincent, s'il te plaît, putain, mec, réfléchis, quoi. Maintenant, il va débarquer chez moi. On a dit qu'on s'était dans ton cas. C'est bon. Tu te rends compte qu'ils vont débarquer chez moi, ma daronne, elle va me tuer. T'es con, quoi? Mais c'est pour ça que je te dis, barre-toi de chez toi, frère. Ah, je vais me barrer comme ça, pour que j'ai rien fait, je suis chez moi, je suis en caleçon sur Netflix, et maintenant je vais me barrer. Quoi? Je vais pas plonger pour toi, mec. Putain, va te faire enculer. Mais là, c'est toi, il a raccroché le mec. Il faut rajouter des choses. Oui. Non, mais j'arrive. On va faire. Attends, non, Vincent, c'est ce qu'on va faire. On va faire genre. Essaye de le faire faire des aveux. Essaye de le pousser à dire oui, c'est vrai, machin, n'importe quoi. Est-ce que ton pote, il a déjà magouillé dans des trucs ou pas? Bah oui. Essaye de le pousser à dire, à admettre un truc, n'importe quoi. Et comme ça, moi je prends le téléphone et je suis agent de police, on arrive tout de suite, voilà. On a eu la confirmation. Donc t'as encore plus une balance puisque t'étais un indique qui était sur écoute. Allez, c'est parti. Vas-y, on le rappelle. Essaye de le pousser à dire un truc, à avouer quelque chose. Tant qu'il dit oui, c'est bon. Je vais essayer. Mec, c'est quoi? Ah merde. Ça a coupé, il y a eu un bug. On rappelle. On y va. Mec, arrête de m'appeler, tu commences à me casser les couilles maintenant. Je sais, écoute-moi. J'en ai rien à foutre, donc si tu es en train de crier en mer et dehors, tu casses les couilles comme ça, fou. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? T'es con, quoi? Mais écoute-moi, et tu fais genre quand ça. T'écoutes pas, y'a plus de prime depuis 5 minutes, casse les couilles. Écoute-moi. Là, non. Tu ramènes les flics chez moi. Viens t'en sortir avec ton gars. Comment tu m'aides à m'en sortir? Tu donnes une place, tu me dis, et tu me dis, ouais, à m'en sortir. Avoue, ferme ta gueule. Tu me dis pas calme-toi. Toi, tu me mets dans la merde et tu me dis calme-toi. Tu t'encules ou quoi? Non, mais il y a un an, je t'ai sorti de la merde. Toi, je vais t'attraper, je vais te niquer ta race. Je vais te baiser à foutre. Je vais te baiser. Tu vas te niquer, frère. T'es fou quoi? Félix, avoue, il y a un an quand même, je t'ai aidé. Avoue-le. Mais je t'ai jamais ramené les flics chez toi, espèce de crétin. T'es con quoi? Je sais. Mais je t'ai quand même aidé à t'en sortir avec ton gars là. Mais toi, tu compares une bête en brouille avec des flics. Je vais pas tomber pour toi. Moi, tu me vois aller en forêt. Ma mère, elle me parle derrière un parloir à cause de tes conneries. T'es fou, quoi. Mais n'importe quoi, va pas faire les derniers par mois. C'était plus qu'une bête en brouille. Non, quoi? 4000 euros. Le gars, tu lui devais 4000 euros, frère. Mais les 4000, mais c'est 4000 euros, c'est 4000 euros, on va m'amener en prison. Ce que tu es en train de faire, ça va m'amener en prison pour des conneries. Je tiens à ces problèmes comme ça, et tu me ramènes les filles comme ça. Quoi? Je ne veux pas rendre ces 4000 euros de plus. Mais maintenant, c'est moi qui vais te tuer. Tu vas faire quoi? Hein? Je vais tuer. Mais non, t'as menace. Non, ils m'ont pas là. Écoute, tu commences à me casser les couilles. On dit, viens d'avouer les 4000. Écoutez, mais non, mais tu vas leur dire c'est pas de que quoi. C'était pas moi. Parce que même s'ils viennent chez moi, je vais te balance. Moi, je balance. Je vais te cramer. Ok, je leur dis c'est pas toi, mais avoue quand même que je t'ai donné un bon coup de main. J'en ai rien à foutre. Là, t'es en train de m'enculer par derrière. Là, tu m'aides pas. Ce que tu fais, tu m'aides pas. T'es trop con, quoi. Tu viens chez moi, tu me balances au flic. Mais t'es con, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as bu ou quoi? Mais frère, à vous, que quand même, je t'ai déjà levé il y a un an. Ferme ta gueule, arrête de parler de cette histoire. Cette histoire, elle est réglée, là, tu me ramènes les flics chez moi. C'est toujours passé quoi? Quoi, elle est réglée, mais. T'imagines, elle a des vrais flics? Non, vraiment, est-ce que tu réfléchis? T'es con ou quoi? Je vais t'enculer, mec. Toi, je vais t'enculer. Ah, je vais me passer sur la menace de mort, je t'ai que ça comme matériel. Tu me rappelles si t'aurais dû être réglé. J'ai plus envie de t'entendre parce que tu me casses les couilles. Non, il veut pas t'avouer. Bon, il t'a menacé de mort, mais. Bon, attends, c'est pas grave, je l'appelle, on a agent de police ici, c'est parti. On ramène Netflix chez lui. Bon, il a demi-avoué quand même il y a un an. Hein. Il a dit quoi? Il a demi-avoué pour il y a un an quand même. Ouais, moitié 4000, mais on sait pas de quoi. Attends, vas-y, je l'appelle, je parle. Toi, tu joues avec mes couilles, toi, en fait. Oui, bonjour, monsieur. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est la police à l'appareil. Voilà, nous sommes avec le jeune Vincent ici dans les bureaux. Voilà, vous pouvez préciser que toute la conversation a été entendue. Et justement, toute la conversation que vous venez d'avoir avec votre collègue, donc très bien. Quel collègue? Ah, ben, avec votre ami, si, il vous a dit tout ce que vous avez fait, et puis on a tout entendu, et donc on a entendu l'histoire des 4000 euros, et puis également menace de mort, monsieur. Menace de mort, hein. Moi, j'ai plus rien à vous dire, j'ai rien à voir avec lui. Moi, j'ai pas de stupéfiant, j'ai rien à voir dessus, donc voilà, j'arrête, je me prépare. Écoutez déjà à votre fenêtre, normalement, vous allez les entendre. Vous les entendez là ou pas? Putain. Vous les entendez ou pas? Les gars! Il raccroche à la police. Incroyable. C'est blague. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'un thug, ouais. Je suis qu'un thug, ouais. Et j'adore parce que tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué quand je suis au téléphone avec des gens et que j'entends un bruit de pompier ou de police qui passe dans le téléphone. Il y a mon cerveau qui bug. Je sais pas si je l'entends en vrai, s'il est en vrai ou tu sais, c'est tellement un son. Ah oui, c'est vrai ça. Et c'est sur ça que j'ai joué en fait. Il a fait flipper. Et complètement. Vincent qu'on récupère là. Bon, on lui a foutu un gros coup de flip. On le rappelle. Ouais, parce que là, je vais être dans la merde. Ouais, on le rappelle. Vas-y. C'est parti. Je vais lui parler. Oh non. Vous avez fini de m'appeler ou pas? Allô, oui, monsieur? Monsieur, vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît, parce que vous répondez pas aux sonnettes, là. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? Je regarde par la fenêtre, il n'y a personne. Monsieur, on est en bas, là, donc est-ce que vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? En bas de où? Il n'y a personne, je suis devant chez moi, il n'y a personne. Sortez de chez vous, vous allez voir, sortez de chez vous. Je suis devant la porte. Sortez de chez vous, monsieur. Déjà, je suis devant la porte, il n'y a personne. Écoutez-moi, sortez de chez vous, allez-y. Comment ça sort de chez moi? Monsieur, si c'est un agent de police assermenté, sortez de chez vous immédiatement, s'il vous plaît. Ça m'a fermenté de mes couilles, ouais. Ferme ta gueule, putain. Ah, vous parlez comme ça à la police? Ouais, je te parle comme ça, quoi. Ah, tu me parles comme ça? Les minutes, tu parles d'en fermenter. Regardez devant votre porte, monsieur. Je suis dehors, y'a personne. Vous êtes dehors? Devant chez moi. T'es dehors? Tu es dehors, là? Ouais, t'es dehors. Eh ben, Énergie a réussi à te foutre dehors. Oh, les connards. Oh my god! Bonsoir Félix! Incroyable! Il est minuit, pourquoi on fait des trucs comme ça? Bah parce qu'on travaille jusqu'à minuit! Ouais. comment tu le sens là? Ça va mieux ou pas? Il est où l'autre connard là? Il est à côté là, il t'écoute. Hein, et Vincent, vas-y! Ouais, Félix, t'es bien enculé pour le coup, c'est moi qui t'ai enculé! Oh connard! Et c'est pas des trucs comme ça, il est mini frère. Je suis en caleçon, Hey, on devrait faire un défi dans cette émission. Toucher, tout le monde le sait, vas-y, c'est pas genre. Et franchement, Vincent et Félix, vous m'avez donné une idée. On devrait faire le défi et énergie de te foutre dehors, tu vois. Ouais. Trouver n'importe quel moyen pour que tu sortes de chez toi, tu vois. Il y a le jeu du dragophone. C'est l'inverse. C'est l'inverse du dragophone. Il faut forcer les gens à sortir de chez eux. Bon, vous êtes dehors, oui. Ben voilà, énergie vous a foutu dehors. Oh, c'est tellement con que c'en est drôle. Ouais, vraiment. On va le réfléchir. On va réfléchir à ce truc. Voilà, hé hey, Félix, t'inquiète pas mon pote. Je suis en direct là ? Oui, t'es en direct là. Exactement. Sur Énergie, je te confirme. Ça va, ok, c'est bon ça. Ouais, ça va. Ouais, hein. Par contre, c'est quoi cette histoire de 4000 euros ? Non, c'est petite broutille, c'est rien ça. Bah oui. Attention parce que la police écoute cette émission, ils pourraient demander les identités s'ils ont un trou dans leur dossier. Bon, j'imagine qu'il y a des milliers de gens, donc je vais pas m'étaler. Hein. Ah, bah tu t'es déjà beaucoup étalé. Allez, salut. Bisous Félix, bisous Vincent, on bougeait pas là, parce que tout de suite, on arrive, on va être coupé par la pub dans 3, 2, 1, 0. Hey Vince, 21h, minuit. L'émission est pas finie, bougez pas, on a le Gimmo 5 qui arrive. Vince sur Facebook, V-I-N-Z. Et bombardez-le de messages non-stop. Ils trouvent ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés, sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez. Vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits Énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist Énergie, inspirée par vous. Love me tonight. Give me your heart and intertwine. Your body's a mine, body's a mine. I got words on my mind, words on my mind. Listen to the groove, let go and follow in the mood that's flowing. Yeah, we're like a wave that's growing into a song so loud I gotta get it down. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. David qui est dans la maison. Alors, il y a Félix où j'avais mis dehors. Et Anderlecht qui a mis Elva Dazebrook dehors. Ah ouais, effectivement, mais c'est tant mieux. Eh oui, je sais pas si. Alors ça suit un peu le foot là, du côté d'Anderlecht, Eddy, Thibaut. Alors le championnat belge, je le calcule tellement pas, c'est vraiment horrible. T'aimes pas toi La même chose. Ah, vous regardez même pas. Je préfère pratiquer que regarder, moi, je t'avoue. D'accord, c'est que le championnat belge, il est pas à haut niveau. Mais par contre, voilà, je suis portant Anderlecht et un petit peu de changement, ça fait peut-être parfois un peu du bien. Enfin, je sais pas, maintenant les points de vue sont différents, mais ils ont viré l'entraîneur d'Anderlecht, c'est tout. Voilà. Anderlecht, c'est quoi ? C'est un club de foot, le plus titré de Belgique. Voilà. Qui a quand même déjà gagné l'équivalent de l'Europa League. Hein. Bien. Voilà, faut le dire, il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. C'était quand, ça? Dans les années 80, quand on était au top. Ouais. Voilà, là, maintenant, dès qu'on a des stars, boum, et part ailleurs. Qui est encore connecté ce soir sur WhatsApp? Je me pose la question, 0492-222-0002, il suffit d'envoyer moi, par exemple. Bah. Loïc est là, coucou Loïc. Ouais. Oh mon dieu, Loïc. Loïc, mais. Loïc est dans la maison. Sur Énergie. Loïc, mon dieu, mais quelle patience. Incroyable. Ah, oui. Et Nigel, il est parti. Hein. Il a blocus et tout. Il est malade. Mais il a même pas dû au revoir. Il a pas dû au revoir aux auditeurs. Ils s'en bat les couilles. Il est parti comme ça, lui. Au revoir, quoi. Incroyable. Vous pouvez l'insulter sur son Instagram. Hein. Oui. C'est Nigel Sanchez, je crois. C'est ça. Hein. Oui, avec un underscore à la fin. Voilà, exactement. Loïc, bienvenue à toi, mon pote. Merci pour quelle patience dans le standard depuis 46 minutes. Il y a eu tellement d'imprévus dans cette émission. Des gens qui sont passés et tout. Vraiment, je suis désolé. Hein. Moi, pas de problème. Ah, bah, c'est cool. Et Raph aussi qui est là. Allô, Raph. Raph, fais donc là. Maison sur Énergie. Raph, tu viens de quelle ville? Moi, je viens de BX. BX, là. Bruxelles. Et Loïc, tu viens de quelle ville, toi? De Wyss, c'est un peu plus petit. Moi, je suis côté Liège, hein. La Golfe, c'est de l'eau. Hey. La Golfe, c'est de l'eau. Hey. La Golfe, c'est de l'eau. Hey. La Golfe, c'est de l'eau. La Golfe. Enfin, c'est plus Tiange, non? Oui, plus ou moins. Ah oui, oui, du côté de oui. Moi, Tiange, ouais. Alors attends, parce que je tape oui sur Google. Et que, parce que j'espère c'est que j'ai une pas belle dit ville. Des, j'espère juste que j'ai pas dit des conneries. Ouais, si, c'est à côté de Tiange, en fait. Ouais. Nandrin et tout, là. Pas loin d'Andenne. Bah, parfait. Mon pote, bienvenue à toi sur Énergie. Merci pour votre patience, les gars. Vous allez jouer en solo ce soir. Attention, c'est pas en équipe. Non, parce que. Ce soir, c'est en solo. Ah non, mais je vous explique. C'est Star Wars? Je vous explique. C'est important. C'est qu'on a le mot de la fin encore qui doit arriver. Ouais, c'est énorme. Donc ce soir, c'est Raph contre Loïc. Les gars, vous n'avez pas de deuxième chance. Attention les mecs, c'est important. Ok. Faut vous concentrer. Les mots de Loïc. Comme toi la dernière fois, Vince. Ouais, concentré comme moi. Moi, je suis. Il y a des fois, je cartonne dans le jeu. Des fois, je fais vraiment ma merde. C'est incroyable. Ouais, ça dépend. C'est le tout pour le tout ce soir. On est bien d'accord. Les mots de Loïc sont plomb, clôture, balustrade, sapin, anus. Oh. Et les mots de Raph sont bidet, étrier, tarentule, guirlande. Et fellation, il faut téléphoner à un hôtel et tenter de placer un maximum de mots dans une conversation normale. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il y ait une réponse avant de pouvoir placer un autre mot. Compris. Si vous placez tous les mots d'affilée, eh ben, un mot est validé, mais pas les autres. C'est ça qui est important. Okay, ça marche. On va faire ça dans quelques secondes. Attention, aujourd'hui, on va compliquer le bordel. Ah. Normalement, c'est une minute. Mais comme vous jouez en solo et qu'il faut quand même un minimum de pression, vous avez 30 secondes. Mais non! Ah ouais. Si, bah justement. Mais c'est une double peine. Mais pourquoi? Parce que d'habitude, ils ont une minute plus la possibilité d'avoir un animateur qui joue pour eux. C'est vrai, ouais. Et là, ils n'ont pas d'animateur qui joue pour eux et en plus, ils ont 30 secondes. 30 secondes, c'est les gars. Arrête. Mais c'est ça. Non, je joue moi avec eux, allez hop. Tu veux jouer avec eux finalement? Moi, j'ai plus sommeil, allez hop. Mais allez. Non, on peut pas faire ça. Mais 30 secondes, c'est faisable. Ils ont attendu 45 minutes pour avoir 30 secondes de d'antenne. Mais c'est 30 secondes qui va changer ta vie, tu vas repartir avec des cadeaux peut-être. Ça va, tu sais quoi, très bien, je remets mon jugement à journée. Allez, c'est bon, une minute. Purée, il a fallu qu'elle ait ses règles. Là. Ça va, c'est l'humour. Oh là là. C'est même pas drôle. Mais si, c'est drôle. Oh, incroyable. Il a fallu qu'il ait son, je sais pas moi, sa cancer de la prostate, là, ou je sais pas quoi. Non, ça va, reste calme. Mais si, mais c'est de l'humour. Non, mais je prends ça comme de l'humour.